You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh? Look at me, Damien. It's all for you. We'll tear your soul apart. They're coming to get you, Barbara. They're here. I see dead people. What have you done to its eyes? What have you done to him, you maniac? We all go a little mad sometimes. Come. It is time to keep your appointment with the Wicker Man. Et bonsoir, bienvenue à l'épisode 105 d'Horreur Gamer. Jean-François Tremblay au micro en remplacement de Sébastien Bouchard qui est toujours très occupé avec son dernier bébé et toute sa petite famille en fait. En ma compagnie, mes deux collègues habituels, le premier c'est celui qui n'hésiterait pas à voler la soutane d'un prêtre pour éviter la pendaison, Steven DeFrançois. Salut Steven! Merci de dire que je suis déjà destiné à brûler en enfer, mais salut Jean-François! Ça va bien, toi? Très bien, très bien. Puis, avec nous, on a celle qui remuerait... qui remuerait terre et ciel, qu'on dit, pour faire en sorte que son accord vin soit parfait, pour qu'elle ait la bonne bouteille de vin pour aller avec son oh, ouais. Vicky Langlois. Quelle bonne présentation. Je me demandais si t'allais pas dire, genre, celle qui aurait corrompu puis qui aurait fini pendue, là. Celle qui aurait corrompu les prêtres et fini pendu. J'étais ah, on va peut-être aller là. Ben non, il trouve la corde des vins, c'est parfait. Ben alors, on a un film avec sur les vins, là, ouais, c'est génial. Faites l'association Curieux Bégin puis Vicky tout de suite, là. Ah, ben oui, tellement. Moi, puis lui, on a tellement de choses en commun. Là. Dans le fond, ce film-là, c'est un fait vécu de la vie de Vicky. Très porté. Cette scène-là, en particulier. Comment ça va, vous autres, oui? Ouais. Ben, oui. Numéro un, écoute, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré, puis là, on a un spécial film d'horreur, entre guillemets, québécois pour ici, parce que je sais que ça a fait jaser le fait qu'on ait incrusté le problème d'infiltration ici. Mais je suis quand même bien content qu'on fasse un épisode horrifique dans nos racines à nous. C'est le fun, je trouve. Ouais, ben, puisque tu le mentionnes, excuse-moi Vicky, je t'ai coupé, mais puisque tu mentionnes, on parle, on va le dire, des films Le Poil de la Bête de 2010, puis Le Problème d'infiltration qui est sorti l'an dernier. Qu'est-ce que tu allais dire, Vicky? Ben, le sujet vient de moi, le film québécois, mais je me souviens plus pourquoi. T'as collé ça à la fin de l'épisode dernier parce qu'on s'était dit, je pense que ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas fait. Okay. On n'a jamais fait d'épisode de film québécois, je pense. OK. C'est tout? OK, c'est ça. Ben, je savais que c'était moi qui l'avais callé, mais je me souviens plus pourquoi je l'avais callé. Tu sais, notre réflexion, en plus, des dernières semaines, a été compliquée. On a passé à travers million de choix, là, tu sais. Plein de films qui ont failli faire partie de l'épisode, là. C'est ça, le plus fou, c'est que ça a été super compliqué et j'ai pas suivi la passe où ça a donné le problème d'infiltration. On va en parler, oui, durant l'épisode, le segment sur le problème d'infiltration, parce qu'il y a quelqu'un qui le dit, hein, c'est pas un film d'horreur. Ouais. Ça m'a glissé entre les doigts comment ça finit par être ce film-là. Pour le behind the scene, là, pour vrai, je pense qu'il y avait eu 10 choix de films qui ont été prononcés, brassés à gauche, à droite. Ça finit que c'est celui-là. Dites-en ce que vous voulez, mais ça a quand même. J'ai un bon mémoire, deux secondes, mais rappelle-moi, Steven, c'était quoi le film qu'on devait faire là, il y a encore deux jours, là, il y a trois jours? Tu parles de collectionneur. Non, le collectionneur, c'est ça. C'est juste parce que je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé en ligne, je veux dire en streaming légal ou quoi que ce soit. Je ne l'ai pas trouvé en vente, en DVD. Oui, sur Amazon, mais il serait arrivé trop tard. Puis c'était juste pour ça. Oui, c'est ça. Ben, c'est surtout un hasard parce que en fait, il fait le chacun son tour, là, le balancement. Je cherche mon mot, mais bon, peu importe. Entre ça, puis sur le seuil à Cinépop. Puis présentement, c'est sur le seuil. Mais dans 5 mois, ça va être le collectionneur. Fait que, tu sais, s'il avait été là, on aurait eu. Non, mais pour vrai, tu sais, c'est vraiment genre chacun leur tour sur Cinépop on demand. Fait qu'ils sont faciles à trouver. Ben, de un, j'ai plus le câble. Puis de deux, je vis en Ontario. Fait que je suis même pas sûr sur Cogeco ici si j'ai Cinépop. Fait que. De toute façon, on s'entend que c'est peut-être une bonne chose que ça soit arrivé. On ne sait pas. Fait que... J'étais curieux, mais au pire, je vais peut-être lire les livres à un moment donné de la série des mots de Graham. Mm-hmm. On a passé à travers des films, autant des comédies comme Carmina, des trucs comme ça, on avait plein de choix, puis des films indépendants aussi, de S.V. Bell, Maud Guérin, toutes sortes d'affaires comme ça, puis qu'on s'est arrêté sur deux choix qui sont complètement opposés, vraiment questionnables aussi, les deux. Parce que c'est ça. Mais écoute, je vais tout le dire. J'ai été le premier à dire le problème d'infiltration pour la simple raison que je l'ai manqué au Fantasia et je l'ai acheté en DVD une semaine avant même qu'on le prononce pour l'épisode. Et la manière que j'en avais entendu parler au Fantasia de plusieurs personnes, c'était un film qui pouvait s'apparenter à de l'horreur sur certains aspects. Fait que, tu sais, combien de films ça veut pas dire que le choix est énorme, là. Mais tu sais, combien, mettons, on peut avoir de films de genre québécois ou même de genre tout quoi ailleurs qui mélangent un peu et qui peut être saupoudré d'horreur sans forcément porter l'étiquette de pur film d'horreur. Fait que tu sais, je crois que le problème d'infiltration peut fitter dans un podcast comme le nôtre, malgré que, tu sais, moi non plus, je dirais pas à 100% ça, c'est un film d'horreur. C'est vrai que c'est plus un drame ou thriller psychologique. Mais par moments, c'est quand même saupoudré d'horreur, puis c'est une des raisons pour laquelle que j'ai cru bon que ça pouvait être un choix intéressant pour l'épisode. Mais moi, je ne l'ai pas questionné, parce que moi, dans ma tête, si ça passe à Fantasia, c'est bon pour Horror Gamer. Là, moi, selon moi. Là. Ben moi, de toute façon, ça va faire partie de ma critique, pas si est-ce que c'est un film d'horreur ou pas. Mais pourquoi c'est dur à concevoir que c'est un film d'horreur, je vais en parler un peu dans ma critique, mais je vais laisser ça pour plus tard. Est-ce qu'on avait des choses à annoncer au public ou quoi que ce soit? Ben, tu sais, ouais, Sébastien voulait absolument que je dise qu'on a des problèmes avec les mises à jour du site. Il y a des critiques là, sur le site qui sont en attente, sont en backup, ils s'en viennent. Fait que réjouissez-vous, il va y avoir d'autres sites, d'autres critiques écrites sur notre site. Sinon, ben, c'est ça. Là, en gros, je pense qu'il n'y avait rien de spécial à annoncer. Moi, j'aurais juste voulu parler deux secondes parce que des fois, on faisait des tours de table, on n'en fait plus vraiment. Mais tu sais, moi, je me permets de parler rapidement, parce que c'est pas vraiment de l'horreur. Mais j'ai lu la semaine passée, il y a deux semaines, en quatre jours, le livre Ready Player One. C'est le prochain film de Steven Spielberg. Ouais. C'est un livre écrit par Ernest Cline. C'est lui qui avait écrit le film Fanboys. Puis c'est ça, c'est son premier roman. Puis c'est. J'ai dévoré. C'est pas de la grande littérature, mais Christy, c'est bon. Puis, pour tous les fans de pop culture des années 80, évidemment, c'est très nostalgique. C'est vraiment parfait ce livre-là parce que c'est bourré de références. Si vous avez vu la bande-annonce du film, vous avez un aperçu des références, la DeLorean de Back to the Future, The Iron Giant, tout ça. Dans la bande-annonce, on voit Freddy Krueger, on voit Chucky, on voit toutes sortes de monde qui sont pas nécessairement dans le roman, mais dans le roman, il y en a plein d'autres références qui sont pas dans la bande-annonce non plus. Puis c'est l'histoire, en gros, d'un jeune garçon qui vit dans un monde qui joue à un jeu vidéo parce que le monde se réfugie. Ça se passe, tu sais, dans, mettons, 40 ans dans le futur, puis ça, la vie est plate, fait que tout le monde s'est réfugié dans le même jeu de réalité virtuelle. Un genre de Second Life, là, comme il y avait une dizaine d'années, mais qui cette fois-là a pogné vraiment dans ce livre-là. Puis les gens ont des avatars, puis tout, puis ont des vies extraordinaires, puis le gars qui a créé ça est décédé, puis avant de décéder, il a lancé un message en disant « J'ai caché un Easter egg dans mon monde virtuel, puis si vous le trouvez, ben vous allez posséder, si vous autres qui allez posséder la compagnie, vous allez avoir 250 milliards de dollars, puis tout. » Fait que c'est une grosse chasse à l'Easter egg qui se lance, là, puis c'est tellement le fun. Puis tu sais, tu lis le livre, tu entends la musique, tu vois, puis t'as des références à des jeux vidéo de Atari, de toutes sortes d'affaires, puis c'est fou. Puis moi, j'ai capoté. Tous les geeks, tous les nerds du monde vont adorer ce livre-là, si vous ne l'avez pas déjà lu. Fait que je le conseille. Bon. Conseille. Ah, OK. C'est ça que t'as commencé à dire. Pourtant, je savais pas si c'était constat. J'étais comme, pourquoi il arrête? Non, c'est ça. Puis j'ai encore le même mot. Il y a un bouchon des fois dans ma bouche, là, les mots sont là, puis ça entasse. Ouais. En tout cas. Fait que, ouais. C'est ça. Avez-vous des choses à proposer, non? Des trucs comme ça que vous avez vu, que vous avez lu? Ben, moi, j'en ai un, mais encore une fois, c'est pour à la fin de l'épisode. OK, parfait. Désolé. Parfait. Fait qu'on va aller à Petite Madame qui crie, puis après ça, on commence avec un des deux films. Eh bien, on commence avec le fabuleux Poil de la Bête de 2010, réalisé par Philippe Gagnon, écrit par Stéphane Giboureau et Pierre Dodelin. Mettant en vedette une panoplie d'acteurs, Guillaume Lemaitre-Vierge, Gilles Renaud, Antoine Bertrand, Marc Beaupré, Patrice Robitaille, Pierre-Luc Lafontaine, et j'en passe. Le film est bourré de têtes connues. C'est ça. Et ça raconte l'histoire qui prend place en 1665 en Nouvelle-France, dans le temps où que, une partie du Canada était colonisée par des Français. On va suivre le personnage de Joseph Côté, interprété par Guillaume Lemaitre-Vierge, qui a malheureusement fait des galipelles avec une demoiselle qu'il fallait pas. Il va être automatiquement arrêté et mis en prison, mais petit galopin comme il est, il va réussir à s'enfuir et au courant de son escapade, il va prendre l'identité de quelqu'un de décédé sur la route qu'il a trouvé. Il va y voler son sac et par malchance, c'est l'identité de... Oh, j'ai oublié le nom de la père. Père de grand maison, quelque chose comme ça. De oh, père Brin d'amour. Père Brin d'amour, qui est en fait un grand chasseur célèbre de loups-garous. Et contre son gré, Guillaume va devenir ce père Brin d'amour. Et dans un petit village, il va devoir aider ses habitants à se débarrasser de plusieurs loups-garous qui, la nuit, viennent semer le chaos et kidnapper des demoiselles pour les dévorer. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, Steven? Pour ceux et celles qui l'ignoraient, moi et Jean-François, avant, on avait un podcast du nom du Brot Faire des films. Et c'était notre petit bébé. On s'amusait à prendre un classique qui allait le confronter à un nanar. Et depuis que ce podcast-là est mort, j'ai une certaine nostalgie et ça me manque un peu. J'aimais beaucoup ça, choisir des navets puis s'amuser à faire des comparaisons avec un classique parce que c'était souvent le même sujet, même thème, peu importe. Et là, j'ai vu une occasion avec cet épisode québécois d'y aller, non seulement avec des titres peu connus, parce que je me disais, crime, ça ne me tente pas de faire Sur le seuil. Tu sais, c'est tout à ce maudit film-là qui revient dans les films québécois ouais. d'horreur quand les gens en parlent, puis il ne mérite pas. Tu sais, pour moi, ce n'est pas un bon film. Et je me disais, on pourrait y aller avec des titres un peu moins connus. Puis là, il y a tout de suite le poil de la bête qui m'a popé dans l'esprit, mais j'ai pas eu le temps de le dire que Jean-François l'a proposé. Et j'ai su qu'il y avait une connexion. C'est comme, moi et Jean-François, on veut faire un bras de fer des films. On veut y aller avec un navet et peut-être un bon film par la suite. On et avait le goût de voir Guillaume à l'écran. Là, on avait envie de voir Guillaume à l'écran. T'sais. On avait envie de voir Guillaume faire des culbutes par en arrière. et je me suis rendu compte d'une chose... Je suis trop vieux pour ces conneries. C'est pas pour rien que le bras de fer des films est mort. Moi puis Jeff, on n'est plus là. Oui, ça a été un méchant bon moment. J'ai passé 3 belles années, à peu près, je crois, avec Jean-François à critiquer des bons et des mauvais films. On avait vraiment beaucoup de plaisir, mais tu sais, vers la fin des fois, il y a des films qu'on a vraiment eu de la misère, que c'était pas tant drôle. Puis des fois, on se dit, oh, ça va être drôle, mais non, ça l'est pas. Et c'est ça qui arrive avec le poids de la bête. J'aurai pas de plaisir à parler du poids de la bête ce soir parce que je me suis emmerdé comme c'est rarement possible que je me sois emmerdé, mais j'ai trouvé ça insultant. Oui, Vicky, ça m'a fait. Je veux juste savoir si c'est ta première la première fois que tu le vois. C'est la première fois que je le vois. C'est pour ça que je l'ai proposé, en fait. C'est parce que okay. Je me disais, tu sais, je ne l'ai pas vu à l'époque. J'ai évité ce film-là, malgré un marketing de fou. Je me rappelle, à l'époque, on pouvait voir des annonces. Il y avait une promotion de fou. Puis, tu sais, le film bénéficie d'un budget de 4 500 000 $. C'est quand même gros, là, tu sais, je veux dire, pour un film québécois. Et je trouve ce film-là insultant pour le genre, le cinéma de genre au Québec, le cinéma d'horreur qui n'a jamais su décoller. Puis on dirait que tu sais, le poids de la bête a comme enfoncé le clou, a pas aidé les futures productions. Et ça me fait halluciner. Je regarde ce film-là, qui a eu une grosse sortie de cinéma, des affiches quand même belles. Tout le monde en parlait. Et tu regardes Les Affamés de Robin Aubert, film qui a dû s'autofinancer parce qu'il n'y a pas maudite compagnie qui voulait l'aider. Finalement, ça finit par arriver. Mais je veux dire, il n'y a pas eu... la vie facile pour que ce projet-là arrive. Il a été dans quelques cinémas, même pas distribués à travers le Québec, et pour combler le tout, le film n'aura même pas de Blu-ray DVD. En tout cas, c'est pas annoncé. Pour le moment, c'est VOD, Netflix, et c'est tout. Tandis que Le Poids de la Bête, ben, malgré son échec total, il y a même des DVD. Et je trouve ça... Écoute, c'est un épisode québécois. Je vais dire cette phrase-là de manière vraiment pas éloquente. Là. C'est de la crise de marde. C'est de la crise de marde. Ce film-là ne sait pas sur quel pied danser. Ça essaie d'être une comédie. Ça essaie d'être une... d'un divertissement familial par moment. Ça essaie d'être un film folklorique, un film d'horreur. Ça va dans tous les sens, sans rien développer, sans rien faire avec, avec un scénario écrit par quelqu'un qu'on dirait qui n'a jamais écrit un fucking scénario de sa vie. Tu fais un film de, un film de loup-garou d'horreur québécois, tu sais, c'est ta chance. C'est jamais arrivé ici, là, je veux dire, profite-en. C'est le temps d'utiliser le folklore québécois. Je veux dire, on a tellement de potentiel d'installer notre culture dans le cinéma d'horreur puis de montrer à d'autres places qui n'ont pas la chance de connaître le Québec. Je veux dire, c'est une méchante belle occasion. Tu pars le film avec un générique quand même joli visuellement, style graphique, qui raconte une genre de, d'histoire de chasseur de loup-garou. Je trouve ça intéressant. Et ensuite, tu décolles ton film avec une scène de cunnilingus. Et le film va continuer tout le long là-dessus. Tout le temps, par rapport au sexe, par rapport aux relations entre les hommes et femmes. Puis les dialogues sont affreux. T'sais, on dirait que l'histoire de loup-garou, c'est secondaire. T'sais, tout ce que tu suis, c'est Guillaume Lemaitre-Vierge qui va essayer de s'en sortir pendant que, d'un autre côté, t'as le prince, le roi, peu importe. J'oublie déjà ce personnage-là. Le seigneur qui tente juste de trouver des conquêtes pour ses fils. Et il y a une scène tellement minable où que t'as une poignée de femmes en ligne, puis là, il montre à ses fils, oh, laquelle que tu voudrais, puis là, il check avec eux. À un moment donné, il regarde une fille, puis il est comme, non, elle est trop maigre, tu sais, on peut quasiment voir son squelette, ses joues sont creuses, puis il y en a un de ses gars derrière qui lance, ah, ben, elle va bien finir par trouver un homme pour la remplir. Wesh! Les dialogues de ce film-là sont risibles. Même si tu essaies de le prendre pour un divertissement, tu dis « Ok, au pire, je vais juste suivre Guillaume Lemay essayer de se débarrasser des loups-garous en essayant de se faire passer pour le chasseur de loups-garous par accident. » Même là, ça fournit pas. La réalisation de Philippe Gagnon est laide, est affreuse. Il fait rien avec sa caméra. C'est comme « Réveille! » On dirait que le gars, il a pris du Prozac qui s'est endormi derrière la caméra, qui reste en stand-by. C'est pas une pièce de théâtre. C'est un divertissement. C'est un film. Même dans les scènes d'action ou les films les scènes horrifiques, il fout rien avec sa caméra. C'est le moment d'essayer, je sais pas, faire des plans intéressants. Le seul plan qu'il réussit à faire, c'est un plan derrière de la main du loup-garou qui est calqué sur The Wolfman original pour tenter de faire un clin d'œil, un hommage, peu importe. Mais c'est le seul moment intéressant. La photographie est laide. Il n'y a rien qui est venu me titiller ou m'exciter. Le casting, je veux dire, t'as un casting 5 étoiles. Là. T'as des têtes et des gens talentueux comme pas possible. Tu fous rien avec aucun. Aucun personnage est développé. Ils sont tous inintéressants. Et c'est vraiment triste de voir un tel gâchis. J'ai perdu 1h40 de ma fucking vie. Ça me fait chier. Et je me suis rendu compte que, crime, on aurait pu parler de films d'horreur à la limite entre Québécois, Canadiens, des films qui ont été tournés en anglais mais réalisés par des Québécois. Je pense entre autres à End of the Line de Maurice Devreau, qui est un excellent petit film d'horreur canadien réalisé par un Québécois, Territoire d'Olivier Abou, ou même de parler tout court des Affamés. Non, il a fallu que je nomme Le Poil de la Bête parce que j'ai voulu retrouver une nostalgie du bras de fer à Ray Donanard. Mais non, la vie est trop courte, les amis. Il y a trop de films qui sortent par année et c'est pas pour rien que je l'ai évité. Je l'ai évité parce qu'il y avait une bonne raison. C'est de la crise de merde, encore une fois. Et il n'y a rien à sauver de ça. Et c'est pas étonnant que le public de nos jours, à chaque fois qu'il sort un film québécois, qui tente de se démarquer et d'aller dans le genre que les gens sont habitués de voir en Amérique, que ce soit les films d'horreur, les films d'action, ils disent « ben c'est pas si pire pour un film québécois. » Normal, ils sont habitués à des standards de marde par les grosses productions qui vont dans les cinémas, parce que les petits films de genre talentueux avec des méchants bons réalisateurs, dont Robert Morin, dont on va parler par la suite après, ils n'ont pas de sortie en salle. Les gens connaissent à peine leur nom parce qu'ils ne sont pas médiatisés, ils sont pas là, les gens n'en parlent pas. Fait qu'il faut juste se taper des bons cop, bad cop 2, des estis de films racistes qui vont avec des estis d'intrigues les immigrants, c'est des terroristes, puis le public, il va, puis il trippe, parce qu'on est encore enfermé dans une bulle de cinéma merdique, alors que le cinéma québécois, c'est plus que ça. Le cinéma de genre québécois, on en a des pépites, on en a des réalisateurs talentueux, mais ils sont coincés dans un bac de sable parce que les grosses compagnies veulent juste distribuer puis payer pour de la grosse merde. Puis Le Poil de la Bête, c'est exactement ça. C'est de la merde qui a eu un gros budget, puis qu'on passe à côté de la plaque d'avoir un film qui aurait eu un potentiel énorme et qui a été complètement gâché. Sur ça, je vais arrêter de chialer parce que c'est juste ça que j'ai envie de faire. J'ai pas envie que les gens se tannent, mais je vais vous laisser parler. Vous allez sans doute avoir des choses plus intéressantes à dire que moi, mais fuck, man! Stick que c'est honteux, ce film-là. Oh my God, j'ai jamais entendu Steven aussi virulent. C'est tellement rafraîchissant d'entendre chialer autant. C'est le fun! Je te dis, t'es souvent comme... OK, c'était de la merde, mais... Ouais, c'était pas bon, mais... Là, c'est genre... J'ai pas envie d'être classique, j'ai pas envie de faire mon analyste, j'ai juste envie d'être en bon québécois, un chialeux qui chante contre un estique de produit de merde, c'est tout. Il y a même pas un bon élément, rien pantoute. Ben le seul bon élément, ça aurait pu être, c'est comme, man, à la limite, jette ton scénario qui est à la base, je peux pas croire qu'ils ont lu le scénario qui ont dit, hey, c'est une bonne idée, on va donner 4 millions, 500 000. Non, jette ce scénario-là, fais un rip-off de Teen Wolf, mets Guillaume en loup-garou qui s'amuse à faire des culbutes pendant 1h30, puis ça aurait déjà été plus divertissant. Les origines de Nitro, est-ce Guillaume en loup-garou, et voilà. J'aurais déjà plus trippé, là. Fuck. Mais tu sais, j'ai regardé les deux scénaristes tantôt sur IMDb, là. Il y en a un qui a écrit Ma tante Aline avant celui-là. C'est la seule chose qui est les deux seules choses qu'il a faites. Puis l'autre, c'est un électricien. Il est électricien sur Arrival, sur J'ai vu ça. Toutes sortes d'affaires, mais c'est pas un scénariste, c'est son seul scénario qu'il a fait. T'sais. C'est son seul scénario et je comprends bien que ça soit son dernier en même temps. Mais tu sais, c'est dommage parce qu'au Québec, on a eu quand même une sorte de belle période au début des années 2000, mi-2000, avec les invasions barbares, tout ça. Crazy, les grandes séductions. Puis là, ben, on était déjà en 2010 sur la pente descendante. Je pense que ce film-là a eu un gros budget, puis tout, mais on était déjà sur la pente descendante. T'sais. Puis dans les 10 dernières années, il n'y a pas eu. Le cinéma québécois n'a pas réussi tant que ça s'est remonté, je pense. Il y a eu des bons coups, là, mais je pense que c'est dommage un peu. Puis cinéma d'horreur, comme tu dis, ça... Au Québec, ça a souffert beaucoup. C'est difficile de percer ici le cinéma d'horreur. Puis, tu sais, quand tu écoutes les réalisateurs de Turbo Kid, mais même Robert Morin ou même Robin Aubert des Affamés, comment c'est difficile. Puis, une chance, parce que, excuse-moi de te couper dans le genre port, Jeff, mais tu sais, en 2017, on a eu 3 films de genre québécois qui a comme redonné ses notes de noblesse. Puis déjà, Les Affamés, s'il y a bien un film d'horreur québécois que maintenant on peut être fier puis qui va être distribué partout et qui va nous donner une bonne réputation, tu sais, les Français, ils ont À l'intérieur, Martyr, Haute Tension. Ouais, aussi également. Puis tu sais, nous autres au Québec, ben, tu sais, c'était plus difficile. Tu sais, oui, Turbo Kid, c'est difficile de l'associer au Québec puisque ça sonne plus comme un film canadien avec des acteurs américains. Mais là, avec Les Affamés, on a un vrai film d'horreur avec les racines québécoises qui percent puis qui fonctionnent. Puis asti que ça fait du bien. Puis il y a eu 3 films de même en 2017, incluant le problème des filtrations. Puis je crois que l'autre, c'est La petite fille qui grattait des allumettes. Je ne suis pas certain. C'est un titre comme ça. Je ne l'ai pas encore vu, mais il m'intéresse. Puis. Mon Dieu que ça fait du bien parce que après des films comme Le poids de la bête, je revois ça puis je suis comme ah, que c'est triste, c'est vraiment triste. Ah, puis c'est bizarre parce qu'il y a quand même un bassin de fans pour le cinéma québécois. Tu veux dire, si tu prends le canal Frisson TV, il y a beaucoup de monde d'abonnés à ça. Je veux dire, je connais pas le chiffre, mais il y a des fans d'horreur au Québec. T'sais, pourquoi est-ce qu'ils sortent pas? Ben, pourquoi est-ce qu'ils vont pas voir les films? Ou pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir un cinéma d'horreur? Si je me fie aux fans d'horreur, c'est parce qu'ils download. Non, mais c'est plate parce qu'on dirait au Québec, tu sais, comme Les Affamés, c'est les films civils, je crois, qu'ils l'ont distribué dans quelques salles, puis ils n'ont pas fait une grosse sortie parce que, I guess, que pour eux, un film de zombie ou un film d'horreur, ça va pas tant marcher. Mais tu regardes, le film qui a sans doute le plus marché, un des films en tout cas qui a le plus marché, c'est It. Puis It, ça a rassemblé du public de tous les âges. J'ai vu des madames dans la salle que ça me semblait pas être des madames qui allaient voir des films d'horreur à toutes les semaines. Là. Je veux dire, il y a un moyen d'attirer tous les gens, même si c'est de l'horreur. Puis je veux dire, tu regardes les Affamés, ça touche au drame, tu as un bon casting, c'est un casting qui devrait attirer justement les gens. Tu sais, tu as Marc-André Grondin là-dedans qui, c'est une grosse figure, tu sais, tu l'as dit avec Crazy, les gens l'adorent beaucoup, c'est un excellent acteur. Avec un méchant beau marketing, je suis sûr que les Affamés auraient pu attirer beaucoup de gens dans les salles. It, c'est des éléments déjà connus, tu sais, c'est le roman, la mini-série, les gens connaissent l'histoire, puis en plus... Ils ont accepté ça dans les années 80, fait que t'as toute la nostalgie, tu sais, de Stranger Things et tout ça, qui embarque ma génération, la génération des fin trentaine, début quarantaine, qui sont nostalgiques des années 80, fait qu'ils ont tout embarqué là-dedans aussi. Là, c'est... Oui, c'est évident. Puis la gang de Turbo Kid, ils font un film qui se passe dans les années 80, le prochain film, fait que tu sais, c'est... Ouais. C'est... ils ont peut-être compris que c'est là qu'il faut aller chercher le public, là, t'sais, avec la nostalgie, je sais pas. Oui, puis non, mais moi, je pense, sérieux, là, c'est con, là, mais c'est juste avec un bon film, mais je pense encore au Québec qu'on a de la difficulté au niveau du marketing à identifier les bons films et leur donner leur chance. On parle beaucoup des affamés, mais Seb, qui n'est pas avec nous ce soir, serait d'accord avec moi, Feuille morte aussi, ouais, était vraiment ouais. quelque chose de solide l'an dernier. Puis, tu sais, lui, c'est une question de distribution et de équipe technique et de, voyons, syndicat. Une question de syndicat s'il n'a pas été capable d'être plus distribué que ça, mais reste que, tu sais, il y en a de la qualité. Moi, j'avais suggéré, entre autres, Discopathe. Encore une fois, tourné au Québec, mais en anglais, fait que peut-être un peu boudé, mais ça, moi, j'avais adoré ce film-là là aussi. Là, fait que, ouais, ouais. Je l'avais vu au Fantasia, puis j'avais bien aimé. Puis c'est fou, tu sais, le réalisateur, il était monté sur scène, puis il parlait que, tu sais, il s'est quasiment foutu dans la rue pour financer ce film-là. Il a vendu sa maison, tu sais, il a tout vendu pour réussir à le faire, tu sais, puis il a même pas pu avoir la chance d'avoir une belle distribution pour son film, tu sais. Ouais. Ben c'est ça. Je pense que pour vendre un film au Québec, ça prend pas. C'est pas le contenu qui va le vendre, mais c'est le contenant. C'est comment tu vas le vendre. Si vous me permettez une anecdote, j'ai semi le droit de la dire, mais je vais le faire quand même. Je nommerai pas personne, OK? Mais je vais nommer l'auteur, Patrick Sénécal, mais je nommerai pas le réalisateur. Mais l'auteur Patrick Sénécal s'est pogné avec toutes les plateformes qui donnent l'argent, le téléfilm et tout ça, Sodec et tout ça. Il s'est pogné avec eux parce que le réalisateur a soumis le film une dizaine de fois pour du financement. Et le film ne ressemblait plus du tout au film d'origine à force de le changer. Patrick Sénécal s'est pogné avec eux, s'est engueulé. Il y a eu deux soumissions par la suite où Patrick Sénécal n'avait plus le droit d'être dans la salle pour défendre le projet, parce que tu passes par des étapes, et une des étapes, c'est de défendre le projet. Puis il dit, ça n'a pas de bon sens, parce que on n'écoute pas les créateurs, on n'écoute pas leurs idées, on veut juste savoir combien ça va coûter, puis on veut juste savoir, t'es-tu sûr que ton idée va être rentable? Puis Patrick Sénécal pognait nerf parce qu'il disait, crime, vous avez quelqu'un qui a une vision, tu sais, laissez-le pas tomber. Finalement, cette personne-là, ce réalisateur-là, a complètement changé son film de A à Z pour plaire à la production. Puis un coup qu'il a eu de l'argent, il a carrément retourné à la version 1. Ben, pas 1 complètement, mettons la version 3 sur les 10. Il est retourné à la version 3. Il a menti et il a fait un mini faux montage pour quand il allait avoir des inspecteurs, il montait celui-là. Puis quand il n'y a pas d'inspecteur, il a monté son film et son film a fait un hit. Donc, au Québec, c'est comment, à quel point tu vas licher les gens qui vont donner de l'argent, qui vont t'aider. Puis Robin Aubert ne rentre pas là-dedans. Robert Morin, encore moins, on en parlera tantôt. C'est des gens qui ne sont pas capables d'être dans la machine. Puis c'est beaucoup pour ça qu'ils n'ont pas le financement. C'est pas à cause de la qualité de leur film, mais c'est qu'ils ne sont pas capables d'aller dans des soirées, donner des poignées de main, être têteux, puis amener l'autre déjeuner. Puis tu sais, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Fait que la machine de financement au Québec, elle finance pas la qualité des œuvres, malheureusement, mais elle finance... tu sais, tu as plus de chances de faire produire ton show d'humour si t'es Véronique Cloutier que c'était Véronique Claveau. C'est sûr. C'est ça qui est arrivé avec ben des films. Ça me fait penser à... Tu sais, le modèle qui fonctionnait pour Pierre Falardeau, c'était de faire des films populaires à la Elvis Graton, puis après ça, de faire un film d'auteur comme lui voulait. D'auteur, ouais. Puis de revenir avec un Elvis Graton, puis après ça, de faire un film d'auteur. T'sais, c'est souvent... Puis c'est un peu ce que d'autres ont fait aussi. Je pense que Steven Soderbergh est dans le genre aussi à faire des... Il faisait des films comme ça aussi. T'sais, des gros films, parce que c'est un plus petit film, je pense. En tout cas, c'est pour ça qu'il en tourne autant des fois aussi. Hein. Il va tourner un film plus grand public tandis qu'il va faire un film plus personnel en lui-même. Souvent, mais c'est ce qu'ils sont pognés pour faire. Ils sont obligés de faire ça. Qu'est-ce qui nous manquerait au Québec? Là, ce serait une boîte comme Blumhouse. T'sais, une boîte qui a des couilles, qui prend des risques et qui essaye de sortir. T'as la Coop Vidéo qui le fait, mais qui n'a pas beaucoup de financement. Mais la Coop Vidéo le fait. Ouais, OK. Ouais. Je dois t'avouer que je m'y connais un peu moins dans le domaine québécois pour tout ça, mais c'est cool à savoir si. Je me connais dans. Moins dans aucun autre des autres domaines. Fait que si au moins je veux connaître celui-là, un petit peu. La Coop Vidéo, c'est eux qui ont aidé Robin Aubert, puis c'est eux qui ont aidé Robert Morin. Ah, cool. Donc, les deux. Donc, oui, mais tu sais, c'est une coop. Fait que ça fait pas beaucoup d'argent. Non, mais pour vous donner un dernier exemple, Martin Laroche qui va sortir, qui a sorti Tadoussac, là on est vraiment pas dans le film d'horreur, mais quand même, Martin Laroche a présenté Les manèges humains. Puis pour son deuxième film, Tadoussac, il s'est rendu compte que c'est plus facile de demander un budget de 5 millions qu'un budget de 20 000 $. Puis il est allé dans le sociofinancement parce qu'il dit 20 000 $ dans les institutions, ils ne te prennent pas au sérieux. Mais si tu demandes 5 millions, là, tu vas avoir de l'écoute. C'est fou, hein? Ouais. Fou. Fait que mettons qu'ils ont 1 million à donner, au lieu de le donner à 4 projets pour 250 000, ils vont chercher à un projet 1 million. C'est triste. Oui. Mais je pense qu'on devrait revenir au beau Guillaume. Ouais, ouais. Vas-y, Jean-François, continue. Excuse-moi de t'avoir coupé. Ben, mon opinion ressemble un peu à la tienne, sauf que c'est moins vitriolique. Moi, je l'ai regardé avec un sourire en coin parce que, tu sais, je voyais bien que c'était poche. Puis, tu sais, c'était... Mais j'étais de bonne humeur, je le regardais, puis j'étais comme, ah, c'est correct. Tu sais, c'est pas mon opinion est vraiment pas aussi négative que toi, mais, tu sais, c'est un mauvais, très, très mauvais film. Là, tout d'abord, je pense que le problème principal du film, c'est Guillaume. Parce que son heure de gloire à Guillaume le Métis Vierge est arrivée avec le Matou, là, une trentaine d'années, puis ça a été downhill from there. C'est comme un petit peu... T'sais, c'est comme... lâche-nous, Guillaume. Arrête de vouloir être acteur. Ça marche pas, t'es pas bon. T'sais, Maë Pémant, elle a compris, elle, après Bac et Bottine, que c'était fini. Là, sa carrière se fait pas au cinéma. T'sais. Mais lui, il s'accroche, il fait des nitros, puis des affaires comme ça, puis c'est comme... lâche-nous, t'es pas bon, il est poche, il sonne faux. T'sais, Guillaume, là, c'est une belle gueule. T'sais, Guillaume, tu mets le film sur mute, puis tu dis, ouais, tu montes ça à quelqu'un qui connaît pas Guillaume, qui l'a jamais entendu parler, puis tout, tu mets le film sur mute, ouais, il y a une gueule de héros nord-américain, t'sais, héros typique de film, t'sais. Mais dès qu'il se met à parler avec sa petite voix de flow de 16 ans, dans un corps de gars de 40 ans ou de 35 ans, peu importe, sa petite voix juvénile puis son mauvais acting, ça gâche tout. T'sais, il est mauvais. Il y a un air de Matt Damon. Oui. Il y a un air de Matt Damon. Des fois, je regardais de profil t'sais, dans le film, je regardais de dessin, j'étais comme, il y a vraiment un profil t'sais, de héros. Là, de... Mais dès que tu l'écoutes parler, ça gâche tout. Ça gâche tout. Ben, c'est pas pour rien qu'il essaie d'en faire un héros d'action québécois avec les nitros. Là. C'est juste que ça lève pas vraiment. Ça marche pas, tu sais. Non, il est juste trop juvénile dans sa manière de jouer, puis c'est ça, tu crois pas à ce personnage. Je crois pas que ce gars-là, c'est un coureur de jupons, en tout cas, j'embarque pas dans son personnage, t'sais. Puis, mais moi, tantôt je te demandais, t'as rien trouvé, aucun élément qui était positif dans le film, mais moi, j'ai trouvé que Antoine Bertrand était le fun. Moi, je l'aime dans tout, Antoine Bertrand, je l'aime dans Les pays d'en haut, dans tout ce qu'il fait, puis tu sais, c'est comme le gros Obélix un peu là-dedans. Là, il pogne Guillaume par un seul bras, puis il lève, puis ça me fait rire. Mais je l'ai trouvé sympathique. C'est pas son meilleur rôle, mais... Mais sa première apparition, comme tu dis, qu'il l'agrippe en l'entour de son bras, dès que je l'ai vu, j'ai eu un feeling de « Oh, au moins, je vais avoir un personnage agréable. » Je le trouvais déjà le fun, mais ils font tellement rien avec qu'au bout du compte, je suis vraiment resté indifférent. Chaque personne... À chaque fois que je voyais un groupe... Tu sais, je veux dire... T'as Marc Arcand dans le film, ok, oui. Je m'excuse de tout le temps. Tu sais, c'est plate de tout le temps identifier Marc Beaupré à Marc Arcand. Mais c'est Marc Arcand. Ouais. C'est un gars-là, man, il est incroyable. Puis là-dedans, même si, tu sais, il est bon pareil, mais ils font rien avec. Mais c'est ça l'affaire, tu sais, je m'accroche à des petites pépites là, de rien, mais c'est parce qu'ils ont plein de bons acteurs. Ils ont, comme tu as dit tantôt, Gilles Renaud. T'as pas nommé des femmes, mais il y a Marie-Thérèse Fortin. Oui, il y a... Comment s'appelle Chantal? Marie-Chantal Perron. Myriane Brûlé qui était dans Ramdam avec Guillaume, qui fait la fille qui se fait enlever. C'est tout du monde qui sont talentueux, mais c'est ça, c'est gâché par les performances. Il y en a un, c'est vraiment con parce qu'il y en a un acteur, celui qui fait le plus jeune fils du Seigneur, qui parle avec un petit accent français. C'est con, là. Mais je l'ai trouvé meilleur que dans tout. Tu sais, je l'ai déjà vu, surtout dans La Galère. Je pense qu'il faisait. Il faisait Hugo. Puis dans La Galère, là, il avait l'air mort. Il n'y a pas d'émotion, rien pantoute. Il est poche, je trouvais dans la série. Tandis que là, j'étais comme. Hein, il sait jouer, ce gars-là. Il est capable de prendre un accent français, puis d'avoir l'air d'un acteur. En tout cas, même si c'est pas du grand jeu, mais il est quand même plus expressif que dans La Galère. Mais non, tantôt, tu parlais, tu sais, que. Ça faisait pièce de théâtre filmée un peu, tu as dit ça un peu, Steven. Ouais. Ça m'a fait penser à toutes les scènes de forêt autour d'un feu de camp, mettons, la manière que c'est éclairé, on dirait vraiment que c'est une scène que Philippe Gagnon éclaire. Comme si, t'sais, mettons, au théâtre, t'as la scène qui est éclairée, t'as le public qui est dans le noir. Mais lui, il fait ça, il éclaire toute sa scène autour du feu, puis tout le reste de la forêt dans le noir. Puis c'est pour donner un feeling de film d'horreur, là, que tu vois pas ce qui est dans le noir. Mais il n'y a aucun éclairage qui fait naturel dans ce film-là, qui fait réaliste. Surtout ces éclairages-là de forêt, mais aussi des éclairages d'intérieur. Mais j'ai remarqué surtout les éclairages de forêt. T'as vraiment juste l'impression de voir les spots au-dessus des têtes des personnages. Tu sens pas que c'est le feu qui éclaire qui les éclaire. Comme je regarde ce film-là puis je le vois pas, le 4 500 000 $. Non, c'est ça. Puis des effets spéciaux, oublie ça, les loups-garous sont. Je vais tellement vous dévoiler quelque chose que vous avez pas, lu. Là. OK. Non, j'ai rien vu. Le 4 500 000 $. C'est pas ça. Quoi, c'est pas ça? Non, non, non, c'est parce que depuis tantôt, vous cherchez une qualité au film, là. J'ai tellement hâte à votre tour, là. Vous allez tomber en bas de votre chaise. Mais c'est ça, tu sais. Même dans les intérieurs, j'ai trouvé que les éclairages faisaient pas naturel partout. Tu sens les spots partout, tu sais. Tu sens. C'est mal foutu comme direction photo. C'est mal chié. C'est pas beau. Les perruques sont dégueulasses. Tout est laid, tu sais. Tout est. Le combat d'épée à la fin, c'est sans doute le combat d'épée le moins excitant que j'ai vu. Oui, oui. C'est pénible, là. Puis je sais pas, tu sais, c'est ça. Il y a des grands acteurs qui servent à rien. Marie-Thérèse Porté, elle sert à rien. Marie-Chantal Perron, elle fait rien, tu sais, à part aller chercher, à part aller courir pour aller chercher Rich the Bitch, elle sert absolument à rien, tu sais. Non, c'est ça, tu sais, il y a plein. Bitch, je l'avais oublié, celle-là! On est tellement dans notre folklore, on a créé notre propre folklore, hein? Hugo de la galère, Rich the Bitch! Comment tu veux l'appeler? C'est quoi son nom? C'est Rich the Bitch! Ah ouais! Puis, ben, c'est ça, tu sais. Il y a trop. C'est ça qui est dommage, il y a tellement du bon monde là-dedans. J'en reviens tout le temps là-dessus, mais il y a tellement de belles distributions, là, c'est fou. Là. C'est là que le budget doit être passé. Payer ce mot. Ouais, c'est comme été. Ouais. Les effets spéciaux, les transformations de loup-garou, c'est affreux, c'est dégueulasse. Là. Ça marche pas. Puis le côté horreur, horrifique, on va revenir là-dessus, ça marche pas, je trouve. T'as jamais peur dans le film, t'es jamais inquiet pour personne. Tu fais pas de saut, il n'y a rien qui marche. Quand tu vois les bêtes attaquer les jeunes filles vers la fin, il n'y a rien qui crée de l'attention ou quoi que ce soit. Ouais, pour la simple raison que le réalisateur est un. En tout cas, pour ce film-là, c'est un mauvais réalisateur. J'ai pas vu ses autres films, il faut rien. Attends, normalement, si tu veux créer un suspense avec tes loups-garous et le monde, faut que tu fasses de quoi avec ta caméra, ta mise en scène. C'est ça la différence quand tu regardes un film. Exemple, un Conjuring fait par James Wan, si c'est autant efficace, c'est grâce à James Wan. Puis tu regardes un Rings avec un réalisateur anodin, ben c'est autant mauvais parce que le réalisateur n'a pas de talent d'un James Wan. C'est un peu ça. Je veux dire, quelqu'un de talentueux, je ne sais pas où ils ont tourné, mais ils ont quand même les lieux. Ils auraient pu se servir des lieux pour faire un film comme The Witch ou quelque chose comme ça. Se servir de la forêt, se servir des. Se servir de ça, de l'époque, pour créer quelque chose de lugubre, t'sais, une recréation de l'époque comme The Witch ou quelque chose comme ça. T'sais. Non, il fait. Comme tu dis, ça fait du théâtre, ça fait un peu des pays d'en haut, mais les belles histoires des pays d'en haut, ça fait vieille télé, ça fait. T'sais, c'est ça. C'est du québécois folklorique poche, tu sais. Les gens sur notre Facebook disaient, t'sais, c'est dommage, on s'attendait à quelque chose de un film sur le folklore québécois qui pourrait être intéressant, une histoire, t'sais, ouais. J'imagine un peu, t'sais, un film comme les histoires de Brian Perrault ou de Fred Pellerin, mais non, t'sais, ouais. on a quelque chose de mauvais, t'sais. J'ai pas vu il y a deux ou trois ans, ils ont sorti La Chasse Galerie. Je sais pas si c'était bon, ce film-là. Je sais pas si c'était meilleur que Le Poil de la Bête, mais non, Vicky, tu me fais une face. Moi, je l'ai pas vu, je sais pas. J'ai des insights. Je l'ai pas vu, mais ça et tout, j'ai des insights. J'en ai du monde, hein, qui passe à la capsule, les gars. Vous créerez pas à ça. Puis j'ai pas vu Babine non plus, mais tu sais, je pense à des films folkloriques québécois. On n'a pas tant que ça, mais Babine, ça avait pogné, ça, je pense. Ça avait marché. Ben, c'est l'effet Fred Pellerin. Ouais. Mais c'est ça, tu sais. C'est quand même meilleur que, pas mal meilleur que Le Poil de la Bête. Mais c'est ça, non, c'est un gros coup raté, Le Poil de la Bête, t'sais. Surtout pas avec le battage médiatique comme tu mentionnais, Steven, là, c'est un gros dommage. Je l'ai commencé puis je voulais pas le détester, je savais que c'était mauvais, on le sait tous maintenant que c'est mauvais 10 ans plus tard, que c'est 8 ans plus tard, mais je me suis dit, je vais laisser une chance, t'sais. je commence jamais un film en disant je vais détester ça. T'sais, même Pieces que j'ai pas aimé. Même n'importe ouais, non, quoi, je t'sais. Sais. Mais non, tu t'embarques pas, t'sais, tu regardes, puis tu fais hey, ça va-tu aboutir, c'est dole, tu sais, puis c'est toutes des affaires que t'as déjà vues, puis il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'enjeu intéressant, à part la fille qui se fait enlever, ou même là, c'est pas intéressant tant que ça. Même là. C'est toutes des affaires que t'as déjà vues dans des séries télé ou peu importe, c'est des affaires de c'est de la télé. Ah, mais t'as peu, là. C'est toutes des affaires que t'as déjà vues, mais l'affaire du kidnapping, tu vois même pas ce qui se passe. Que... Non. Puis c'est ça. Tu dis, on voit rien. On voit rien. Toutes les scènes de meurtre ou d'attaque sont faites dans le noir, sont faites, on voit rien, tu sais. Ah oui, parce que le film ne sait pas qu'est-ce qu'il veut être. À un moment donné, il essaie de te montrer un peu de gore avec le personnage de Michel Barrette, ouais. Mais c'est comme, non, on peut pas, on n'est pas certain, fait qu'on montre rien. Puis Michel Barrette, encore là, c'est un autre. Un acteur qui s'est bien débrouillé dans sa scène. T'sais, j'étais embarqué dans son histoire, je l'écoutais, j'étais comme, mais non, ils se sont débarrassés de lui, puis c'est juste poche, là, ce qu'ils font avec. C'est ça. Fait que, vas-y, Vicky, là, je suis curieux de l'entendre. Ok, bon, je vais reprendre une autre note. Là. Ok. En fait, moi, c'est la deuxième fois que je le voyais, Le Poil de la Bête. Je l'ai vu à sa sortie, ou presque. Et quand je l'ai vu, j'étais un Steven. Enragé noir, parce que. Tout le monde le descendait, le film, j'ai fait « Ah, oh, mais tu sais, c'est pas des fans d'horreur » ou « Tu sais, ils connaissent peut-être pas le genre » ou « Ah, oh, ils ont pas voulu embarquer, moi, je vais le voir pour embarquer puis je vais aimer ça. » J'ai fini enragée. J'ai fini Steven ben red, là. Tu sais, j'étais « J'étais insultée. Je pense que j'ai enregistré un épisode de radio à ce moment-là et si on le retrouve, là, je suis Steven. Tu sais, là, je suis en crise sur... Là, c'est ma deuxième écoute. Je le sais que c'était de la merde. Puis je le sais que t'auras beau vouloir embarquer, ça va être de la merde. Fait, je l'ai écouté en me disant, ça va être un bruit de fond, ça va être en arrière, puis au pire, je dénoterai pourquoi j'avais trouvé... Tu sais, je suis comme plus sur mes grands chevaux, là, fait que je suis capable de prendre des notes sur pourquoi c'est si mauvais. Alors, j'ai sorti des listes de pourquoi c'est si mauvais. Et, ouais, ben, je vais vraiment y aller avec pourquoi c'est si mauvais et je vais y aller avec ma bonne nouvelle à la fin, OK? Okay. Le film, c'est pas un film exportable. Donc, nos amis de la francophonie qui nous écoutent et qui n'ont jamais entendu parler de ce film québécois-là, c'est normal, c'est que c'est pas un film exportable. Pourquoi? Et on en parlait avant d'enregistrer moi et Steven, c'est que moi, je considère que des films, que c'est pas un film que c'est le réalisateur qui fait, mais c'est autre chose. Dans le sens où la raison du film n'est pas le réalisateur qui avait un projet amené à terme. Par exemple, un film d'Adam Sandler. Adam Sandler va prendre n'importe quel réalisateur qui va l'écouter puis qui va faire ce que lui veut. Fait que c'est pas un film de réalisateur, c'est un film d'Adam Sandler. Puis là, on peut trouver ça dans plein d'autres choses. Ce film-là, c'est un film de casting. Et c'est pourquoi le film n'est pas exportable. Il n'y a aucun personnage qui nous est expliqué parce qu'on s'est fié à leur casting. On s'est fié à ce qu'ils projetaient dans les médias québécois. Par exemple, là, je vais perdre mes noms. J'en ai noté plein parce que j'ai tendance à oublier mes noms quand je m'emporte. Donc, Antoine Bertrand. Antoine Bertrand, à ce moment-là, c'est le gros bonhomme québécois. Le jovial, l'heureux, le drôle. Il est dans les bougons. C'est le grand frère, celui-là qu'on aime. Il est un peu nono. Ben, un nono adorable. Oui. Ben, c'est ça qu'on lui a donné. Puis ça, ça veut dire qu'on ne se posera pas de questions dans le film. On ne veut pas de background ni rien. C'est un nono adorable. Regarde Michel Barrette. Michel Barrette n'a aucun background. Non. Et Michel Barrette, c'est un humoriste qui fait que de l'improvisation en racontant des histoires. Ce que tu dis, c'est que c'est ça, c'est le spectateur arrive dans le film, il connaît déjà ces personnages-là parce qu'il connaît les acteurs, puis c'est quoi leur casting, voilà. Tu sais. Et voilà. Pis c'est pour ça que j'ai trouvé ça drôle en tabarnak quand t'as appelé le gars, la grosse. Comment Rich tu l'as bitch. Appelé? Rich the Bitch. Parce que je me souvenais plus où je l'avais vu. Il sortait des à ce moment-là. Tu sais, c'était et Rich voilà. The Bitch. Mais Rich the Bitch, Patrice Robitaille. Patrice Robitaille fait du Patrice Robitaille c'est pas dans Patrice ce Robitaille, je parle de l'autre, je parle du je sais, la... je sais, moi je te ouais. Donne une élimination. Oui, Rich the Bitch fait sa Rich the Bitch. Okay? Patrice Robitaille pourquoi fait du Patrice Robitaille. Il Patrice fait son personnage de l'invincible ben... aussi. Ben, il fait ça dans tout, en fait. non, quand on regarde un peu plus, non, il a essayé beaucoup, beaucoup de sortir de ça dans d'autres films. En tout cas, peu importe. Michel Barrette, ils ont même mis le chapeau de ses personnages du début, là, quand il faisait son personnage. Il a tremblé. Par Chantal Perron, la bonne mère de famille, beaucoup trop émotive. Et ça va à même à Sébastien Delorme. Sébastien Delorme, je vous rappelle qu'à ce moment-là, c'est le beau gosse de service vache. c'est son casting dans toutes les séries puis les films, c'est le gars que toutes les filles ont envie de coucher avec, c'est mais qui trompe un peu tout le temps. C'est ça, l'autre fils de seigneur. Oui, le plus vieux des frères. Le plus vieux des frères, le plus vieux des fils de seigneur. Ce qui fait en sorte que dans le film, quand il devient un méchant, on n'est même pas censé être surpris. Puis on n'est même pas censé, comment dire, quand je vais le dire autrement. La fille part à la recherche de cet homme-là, puis tu le sais que ça va mal finir, peu importe, parce que ce gars-là, dans tous ses personnages, que ce soit dans le monde de Charlotte, puis l'autre série qui a suivi, dans plein de séries, c'est le beau gosse de service qui va te briser le cœur. Tout le temps. Il a essayé de sortir un peu de ce casting-là quand il a fait Polytechnique, mais encore, c'était le beau gosse de service qui n'a pas été à la hauteur. Je suis désolée, on pourrait analyser ce film-là un autre jour, mais reste que c'est ça. Ce qui fait que on n'a jamais essayé d'identifier les personnages. Guillaume le Mythe Vierge, j'ai noté ce que tu as écrit, Steven, c'est le petit galopin. Mais c'est ça. Dans tous ses rôles, c'est ça. Dans Ramdan, il faisait exactement ça. Cet acteur-là, c'est un petit galopin. Fait que quand tu commences le film et il est en dessous de la jupe de la fille, ça marche pas. Ça n'a aucune mise en contexte. Mais en arrière de la caméra, on se dit, ouais, mais on n'a pas le droit de le mettre en contexte. C'est Guillaume le Métis Vierge, il fait ça. Puis c'est de même pour tout. Tu sais, son personnage, dans ce que tu dis, son personnage pourrait s'appeler Guillaume, le personnage d'Antoine Petras pourrait s'appeler Antoine. Tu sais, je vais même aller jusqu'à Marc Arcan. Parce que Marc Arcan, avant d'être Marc Arcan, il jouait le bum dans Deux Frères. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Le bum. Oui. Donc, on s'est dit, bon, on a besoin d'un beau gosse, ça va être Sébastien Delorme, on a besoin d'un gros funny, ça va être Antoine Bertrand. On n'a jamais cherché à aller plus loin. Donc, ce film-là, c'est un film de casting. Donc, c'est pas l'argent. C'est la composition pour les acteurs. Là, zéro, c'était pas nécessaire pour eux. Puis c'est là qu'est allé l'argent. Et vraiment aller dans les poches des acteurs. Puis c'est même pas de se dire, les acteurs ont demandé gros cachet. Non, c'est que ce film-là, on a dit, au yam de la construction, on s'en fout. On met des noms sur le poster. Et ça va même dans les dialogues. Les gars, vous arrêtez pas de dire les dialogues sont affreux. Je suis d'accord à 100%. Là, les dialogues sont affreux, mais les dialogues sont affreux au point qu'ils sont pas mis en bouche. On dirait que c'est la première prise sur toutes les prises. Ouais. Puis on dirait qu'on a voulu être funné dans le sens où on va leur faire dire des phrases d'époque. Mais pas tout le temps. Non. Fait que d'un fois, c'est des phrases d'époque, puis d'un fois, c'est du québécois d'aujourd'hui. Fait que ça marche jamais parce qu'on sait pas. Le problème, c'est ça, de ton puis de langage, parce que les filles du roi devraient toutes parler avec des accents français ou quelque chose comme ça. Puis il y en a qui parlent avec la québécoise. Ben, Antoine Bertrand sait lire. C'est un coureur des bois qui sait lire. Oui. Juste ça. Il n'y a pas d'Indien. Il n'y a aucun Indien dans c'est le film. Puis juste pour ça, je décroche parce que je me dis, t'as voulu faire vrai. Fait que tu me fais des phrases vraies, comme si on parlait dans ce temps-là. J'avais noté, mais j'ai pas ma feuille, j'avais noté quelques mots genre, boustifère, je sais pas trop, mais tu sais, des mots, des termes qui étaient peut-être dits à l'époque, mais dans une phrase qui n'est pas dit comme ça à l'époque, fait que ça marche pas. C'est juste le mot, puis on a trouvé ça drôle. Dans les œuvres d'époque comme ça, québécoises, j'ai tout souvent de la misère avec la dentition, ils ont trop des belles dents. Dans les pays d'en haut, la série, ils font un petit peu l'effort, mais encore là, tout le monde a trop des belles dents, fait que dans ce film-là, c'est tout le monde a des dents blanches, puis ça a juste pas rapport. Ils font une joke là-dessus, aussi. Mais c'est ça, c'est qu'on a voulu être réaliste, mais juste quand on voulait. Fait qu'il y a pas d'Indiens, il y a bien des affaires qui fonctionnent pas, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas important. Parce que ce bout-là, on ne le veut pas réaliste. Ce qu'on veut réaliste, c'est une fois, une phrase dans une scène. C'est tout. Ouais. Fait que c'est vraiment désagréable. C'est vraiment, vraiment désagréable parce que les dialogues sont pas mis en bouche. On dirait qu'ils n'ont pas été pratiqués. Sébastien Delorme est épouvantable dans ce film-là. Ça, c'est le plus vieux qui est tout. Il est épouvantable. Déjà, ce gars-là, souvent, tout dépendamment de ce que tu donnes, parfois, tu as l'impression qu'il lit un texte, mais là, tu as l'impression qu'on vient de dire « action ». Et vous, mon cher sieur, où allez-vous comme ça? Coupez! Action! Ne partez pas trop vite! Vous allez rater. Tu sais, je comprends? C'est épouvantable. Il n'y a aucune scène qui fonctionne. Puis pour dire à quel point j'étais Steven dans l'âme, moi aussi, Steven, à ma première écoute, la première scène qui m'a mis en tabarnak, c'est la scène des filles qui sont alignées. Le Seigneur vient pour choisir 7 filles. Puis là, ça m'avait tellement insulté l'affaire de la boue de graisse, l'affaire qui rit des grosses et des maigres. Dans mes souvenirs, c'est le contraire. Il touchait les joues de la grosse, mais finalement, il touche les joues de la maigre parce que, tu sais, c'est tellement moins insultant de toucher les joues d'une maigre que d'une grosse. Je me souviens que j'avais été hyper insultée par cette scène-là parce que je me dis, encore une fois, on s'est dit, les gens vont être devant, vont faire, ah ben c'est vrai, dans le temps, on voulait pas des filles maigres. Ah, ils sont tellement allés dans le réalisme. Puis finalement, non, ils sont pas allés dans le réalisme. Fait que c'est juste pour faire une blague que tu es allé dans le réalisme. On a voulu créer un folklore avec le réalisme de on veut pas des grosses, tu sais. On a voulu transporter le spectateur dans le temps, mais juste avec les expressions ou des idées de marre, mais c'est spontané, puis c'est pas assumé. C'est un petit moment comme ça. Puis ça, puis les jokes de fourrage. Parce qu'on le sait qu'à l'époque, on faisait juste ça, des jokes de cul. C'est ça qu'on essaie de me faire comprendre. Parce que le folklore, c'est des jokes de cul. Je te verrai en deux secondes, Vicky, oui. Ça griche de ton bord. Je sais pas c'est quoi, mais ça griche. OK, mais je vais le reprendre. Pour le folklore, parce qu'on dirait que le folklore qu'on essaie de nous faire croire, c'est que le folklore, c'est des jokes de cul. Mais c'est pas vrai. T'sais, le folklore n'inclut pas que des jokes de cul au Québec. Oui, il y a ça, mais pas explicitement comme on essaie de nous faire croire dans Le Poil de la Bête. D'ailleurs, Le Poil de la Bête, c'est censé être un indice. À un moment donné, il fait « Ah ah ah, il a pas réussi à sauver, il a juste pris un peu de poil de la bête. Ouais. » Ça sert encore à rien dans tout le reste du film. Sais-tu c'est quoi le pire? Moi, j'étais certain que ce film-là jouerait la carte du meurtre et mystère. Tu sais, c'est comme, il y a des meurtres, faut deviner parmi le groupe qui est le loup-garou. Même pas! Il y a même pas de jeu. Ils essayent même pas de nous donner des... Mais ils servent à rien, les loups-garous, dans le film. Non, c'est ça. Ça, je te dis, c'est secondaire. Ça sert à rien. Le film essaie d'être... Comme tu disais, il joue sur plusieurs plans, puis ça marche pas. Il essaie d'être comique, il essaie d'être effrayant, puis les deux fonctionnent pas. Puis le film d'horreur là, est vraiment perdant là-dedans, l'aspect horreur, parce qu'on s'en fout des loups-garous, finalement. C'est du slapstick d'acteur. C'est un show d'été d'acteur. Moi, tout, je le sentais, le théâtre. C'est pour ça que je disais qu'ils n'ont pas mis ça en bouche, parce qu'on dirait qu'ils n'ont pas fait de répétition, puis que c'est la première de leur soir de théâtre où ils ont oublié de faire des répétitions, puis que le texte est écrit sur les tables, sur le plancher. Il y a une scène chez le Seigneur où il y a un deuxième étage, puis tu as l'impression que les gens sont pris en haut des marches parce qu'il n'y a pas vraiment de deuxième étage. On attend action, puis ils descendent les marches. C'est malaisant. Et je vois avec ma bonne nouvelle, les gars, le dernier malaise, accrochez-vous. Ce film a gagné le Jutra des meilleurs coiffeurs et perruques. Oh boy. Puis les perruques sont tellement là, tu trouves. C'est une blague ou c'est vrai ce que tu dis? Je te jure, fouille! Toutes les Jutras sont trouvables sur le site des Jutras. Ben ça s'appelle plus les Jutras, en tout cas. Je pensais que tu allais nommer. Il a gagné un prix pour l'Aurore, je pense, pas trop, comme étant la pire production. Pire cinématographie ou pire film, je sais plus. Bon, là, je suis pas surpris qu'Infoman ait donné des prix. il a gagné des horreurs pour des dialogues, entre autres, ça je m'en souviens. Là. des phrases par rapport, puis des mots par rapport. Je pense qu'il a gagné l'horreur pour le combat d'épée, justement. Hey, le combat d'épée, on peut en parler deux secondes. Le combat d'épée, pourquoi il y a un loup-garou dans la place? On dit-tu le combat d'épée est fini? De quoi? Ben, pourquoi le combat d'épée? Ouais. Il y a un loup-garou dans la même calice de pièces qui saute dessus. Ouais. Il n'y a plus de combat d'épée. Ben non, mais là, il essaie de faire de quoi d'excitant avec des répliques. Guillaume qui fait 2-3 cascades en roulant sur une table. Je sais pas. Il essaie vraiment de faire de quoi d'excitant. Le loup, il est là. Il fait juste attendre parce qu'ils n'ont pas le budget pour faire bouger le loup. Là, on est d'accord, c'est ça qui est arrivé. Il n'y a pas eu de budget pour faire bouger le loup. Fait que le loup, il est dans le coin de la pièce. Le père se bat avec Guillaume à coup d'épée. Puis quand le père se fait, il est en train de gagner, mais le loup aurait pu attaquer, puis c'est fini. Mais non, il reste dans le coin de la pièce, puis c'est tout. Puis là, Guillaume s'enfuit, puis là, il est comme, je vais le tuer. Oui, mais il aurait pu le faire. Il aurait pu le faire. Vous aviez juste pas l'argent pour qu'il le fasse. c'est drôle dans la salle, pareil, hein, quand tu y penses. Là, c'est aller dans les détails juste pour cracher, là, mais... Tu sais, t'as Van Helsing avec toutes sortes de gadgets, des pieux. Les chasseurs ont tout le temps des super gadgets. Lui, une petite arbalète mini comme tu peux acheter au Dollarama avec une petite croix. J'ai de la misère à croire qu'il peut tuer le gars. Au pire, je trouvais ça quasiment intéressant, cette arme-là, mais il fait rien avec. T'sais. Il se passe rien dans le film avec ça. Non, il fait tellement rien que ça s'annule parce que la seule fois qu'il tire dessus, il se fait tirer dessus en même temps et ça s'annule. C'est ça. Totalement rien. Mais oui, je vous le dis, les gars, vous pouvez aller voir sur le site des Jutras, ça l'a gagné. Le prix cette année-là des meilleures perruques et coiffures. Ça fait mal, hein? Eh bien. Ça veut dire que l'industrie a quand même décidé de lui décerner un prix. L'industrie a voulu dénoter ce film-là, là. Y avait-tu si peu de films qui sont sortis cette année-là, tu sais? Pas du tout, pas du tout. Je me souviens que dans la catégorie, j'avais ri, puis j'ai dit, ben voyons, ils vont tellement pas être là, puis ils ont gagné. Parce que c'est ça, cette année-là, je faisais la couverture des Jus 3 à la radio. Je capotais. Ben écoute, c'est tout le temps drôle et surprenant parfois. Tu sais, je veux dire, Suicide Squad, c'est peut-être un des films qui a été le plus bâché, mais il a gagné un Oscar. Mais tu sais, il a gagné. C'était le seul film historique cette année-là avec des costumes, avec des perruques. Puis tu sais, à la limite, les costumes, on peut pas dire que c'est quelque chose qui est mal fait dans Suicide Squad. Là, les perruques sont dégueulasses. Puis ça fait 10 minutes de ma critique que je vous parle que c'est un film de casting qui se base sur le fait qu'on connaît les gens. Puis leur crise des perruques, on le sait que c'est pas leurs vrais cheveux, on les connaît. Ah oh oui. Ah, c'est supposé nous faire un effet quand il enlève sa perruque, tu sais, Guillaume, peu importe. C'est pas Guillaume, il s'est fait couper, mais quand les gars autour de la table les enlèvent, tu sais. Mais non, ouais. Ça fait pas d'effet, là. C'est, on le sait qu'ils ont des perruques. Ben, c'est ça, tu sais, Sébastien Delorme a-tu la pire perruque au monde, une espèce de cuivré lettre. En tout cas, ça marche pas, ce film-là. La scène de kidnapping, on en a parlé vite, mais la fille, elle se fait kidnapper, puis elle se fait crisser dans le sous-sol. Ouais. Puis, tu sais, ça pourrait avoir de l'attention, parce que comme, libérez-moi, puis là, le gars, il descend, puis il fait juste une petite phrase de marde. Ben non, cher, je ne vous les libérerai pas. Les monstres sont plus présents que vous ne le croyez. C'est comme, mais ta gueule. Ouais, c'est ça. Comme tu vas me tuer avec tes phrases de merde. Ta gueule! Ta gueule! Ah, et vos recommandations par rapport à ce film-là? Moi, c'est brûler toutes les copies. Je veux plus que ça existe. Tu sais, je veux dire, souvent, Les Dangereux, je me rappelle à l'époque comment ça a été bâché, puis que c'était vraiment considéré comme un des pires films québécois ever. Mais Crime, j'ai eu plus de fun à rire de ça tellement que c'était mauvais. Là, ça en était drôle, mais. Le poids de la paille, c'est vraiment une insulte. Sérieusement, je déconseille. C'est comme brûlé. Enlevez ça de iTunes. Ça mérite même pas d'être là. Vicky? Ben moi, c'était mon deuxième visionnement. Est-ce que j'en ferai un troisième? Non. Je pense pas que ça vaut la peine de le voir, sérieux. Fait que... Oubliez-le. Je vais dire de quoi... C'est moi qui ai insisté, on va dire, le mot est gros, là, mais avec GF à ce qu'on fasse celui-là, puis je m'en excuse. Je m'en excuse sérieusement, puis je viens de me rendre compte que non seulement j'ai perdu mon temps à l'écouter, mais j'ai perdu mon temps à en parler. Tu sais, on en a parlé quasiment une heure alors qu'on niaisait qu'on n'en parlerait pas autant, mais sérieusement, je crois que pour les futurs épisodes, je veux vraiment choisir des films qui méritent d'être parlés ou qui sont un minimum intéressants. Ça me tente plus de me concentrer sur des navets insupportables, sérieux. Il y a trop de bons films qui sortent puis que j'ai pas le temps de tout voir. Je suis tanné. Je lâche, j'abandonne. J'en veux plus de merde. C'est fini. Le poil de la bête a cassé, Steven. Le poil de la bête m'a cassé. C'est fini. Je ne veux plus rien savoir. C'est là que je vais insérer la réplique de Danny Glover dans Little Weapon. I'm too old for this shit. Ouais. Mais c'est pas toi, Jeff, qui disais ça d'un fois. C'est... Il y a tellement de merde. Je comprends pas pourquoi qu'on parle du temps à les écouter. Écoute, Jeff était sur le bord souvent du bras de fer d'abandonner. Ou d'annuler des épisodes parce qu'il trouvait que ça avait pas de sens, puis tu sais, il était vraiment tanné, puis moi je le comprenais pas, tu sais, j'étais comme, ben j'ai du fun, mais je le comprends maintenant, c'est vrai, Calic, c'est une perte de temps monumentale, puis on donne... Tu vas avancer en âge, dans la vie, tu vas... Oui. Le temps se raccourcit, tu fais, gars, j'ai plus vraiment le temps de passer, que ça sur des films de merde, là, tu sais. Non, exact. Tellement d'affaires qui sortent. Mais ma recommandation, ben c'est comme vous autres, c'est oubliez ça, puis si vraiment vous êtes curieux, il est sur iTunes là, pour 4,99$, mais ça vaut pas la peine. Ça vaut vraiment pas cet argent-là. Donnez de l'argent à d'autres choses, donnez de l'argent aux Affamés ou peu importe, à d'autres films. Allez au cinéma voir des films d'horreur québécois, mais... Les Affamés, on peut seulement le voir en ce moment en l'achetant à 19,99$. Ça peut paraître cher pour une copie digitale quand t'as pas ton Blu-ray, mais je pense que Les Affamés méritent amplement d'être achetés en ce moment pour l'encourager le plus possible, puis au PDP, mec, qui sortent un Blu-ray... On le rachète, c'est tout, c'est des affamés, c'est fucking bon, de toute façon, ça mérite d'être acheté. Ben, on va passer en musique, on n'a pas parlé de qu'est-ce qu'on voudrait mettre en musique, fait qu'il va y avoir une chanson qui va jouer, on sait pas c'est quoi. On met la toune Nouvelle-France. Ça me dit rien, mais si tu veux. Non, mais ça, c'est l'autre film québécois d'époque qui est sorti quasiment en même temps, puis c'était autant à chier. C'était vraiment, vraiment à chier. Il y avait une toune pour lui... ça? Ouais. Je pense que c'était chanté par Céline Dion ou quelque chose comme ça, puis c'était Nouvelle-France, c'était genre de la Nouvelle-France. Céline vraiment sur Horror Gamer? Ben non, mais pas de Céline! Je pensais que vous connaissiez le film, c'est pour ça, mais oui, Céline avait fait un latoune, puis ça avait l'air d'un rip-off de Titanic, puis c'était Nouvelle-France. Je me rappelle des affiches, des grandes banderoles dans le métro, là, je me rappelle, mais j'ai pas vu le film, Nouvelle-France. OK, petite anecdote rapide. Mon chum, dans les premières fois qu'il est en train de construire ma bibliothèque de DVD, il veut m'acheter des films pour Noël, puis il va à boutique, puis tout, puis il dit que ma blonde, elle aime beaucoup les films québécois, blablabla, les films historiques. Puis il a vendu Nouvelle-France, puis je dis, chérie, je pense qu'il y avait trop de copies. c'est pire que le poil de la bête, je vous jure. Oh boy. Ok, ouais, ben, ça m'en prend pas plus pour l'éviter. Ça aurait été bon pour le bras de fer, mais non. Bien que Gervais joue une Amérindienne qui ne parle pas français. Ouf. Je veux la tuer, man. Je la vois tous les semaines, Bianca Gervais, dans le format familial. Je l'aime beaucoup comme animatrice, mais comme actrice, je ne sais pas. Je la connais pas. En Indienne, c'est insultant. Elle est tellement indienne, d'abord. Puis elle parle pas français, là, son petit... c'est fait qu'on va passer en musique au moment de l'enregistrement, on sait pas c'est quoi. Fait qu'on vous retrouve après la chanson pour le problème d'infiltration. Fin des épisodes, on dit tout le temps « garder ça horreur ». Comment est-ce qu'on fait pour garder ça horreur? Pour garder ça horreur, JF, il y a plusieurs moyens. Premièrement, sur iTunes, on peut donner 5 étoiles au podcast, en plus d'écrire un commentaire, comme ça nous fait monter dans les recommandations. Ensuite, à la fin des billets sur notre site, on peut trouver un lien Amazon qui nous amène sur le site Amazon. Dès qu'on fait un achat, Horror Gamer reçoit une ristourne. Puis en plus, hey, c'est simple, tu peux juste en parler à tes amis puis dire à quel point Horror Gamer, c'est un podcast tellement cool. C'est quoi l'adresse du site? www.horrorgamer.ca. Fait que tout le monde, gardez ça horreur. Alors, on m'a demandé de vous résumer le problème d'infiltration de Robert Morin. Je vais vous le résumer, le scénario, et après, je vais y aller avec ce que moi, j'en ai ressenti. Le problème d'infiltration de Robert Morin, c'est l'histoire, je vais dire Christian Bégin, parce que je pense qu'on va rapidement passer avec le nom de l'acteur durant nos critiques, pour que tout le monde nous suive. Donc, c'est l'histoire de Christian Bégin, qui est un chirurgien qui fait des restructurations faciales, entre autres. Il reçoit un patient dans son cabinet et suite à une discussion avec son patient, on dirait que sa vie est bouleversée. Il décide de rentrer à la maison et les choses ne font qu'empirer. Donc, c'est l'histoire du bouleversement de la vie du personnage de Christian Bégin. Ça, c'est le résumé aussi que vous allez voir au dos des pochettes. Donc, le bouleversement de la vie de cet homme-là. Toutefois, plus vous allez avancer dans sa vie, plus vous allez vous rendre compte que cet homme-là, c'est un connard. C'est un trou de cul, c'est un petit bourgeois et qu'on n'aime pas nécessairement, c'est pas une personne intéressante à côtoyer. Donc, que son monde s'effondre, ça ne te dérange pas tant que ça parce que tu ne l'apprécies pas vraiment comme personnage. Moi, Robert Morin, c'est mon meilleur réalisateur à vie. C'est mon réalisateur préféré. Je dois l'avoir déjà dit ici, je l'ai dit sur toutes les plateformes. Quand on me demande c'est quoi mon film préféré, mon film préféré québécois, c'est Léolo, mais mon réalisateur préféré, c'est Robert Morin. Robert Morin, j'ai adoré le problème d'infiltration énormément. Je vais laisser les gars parler beaucoup parce que j'ai l'impression d'être plus capable de rebondir. Parce que même après le visionnement du film que j'ai vu il y a environ 2 semaines, j'étais sans mots. Ce que je peux dire encore, c'est mon film préféré de Robert Morin demeure Le Nègre. Je trouve que ce film-là ne l'a pas surpassé personnellement. Toutefois, c'est un film tellement maîtrisé, tellement qui sait où ce qui s'en va, c'est incroyable. Et ce que je dirais aussi, c'est que ce film-là a surpris beaucoup parce qu'il n'était pas attendu. Robert Morin, ses 3 derniers films sont Les 4 soldats, 3 histoires indiennes et Paradis pour tous. 3 films plus appréciés par ses fans que par la critique, donc qui n'ont pas fait sortir le grand public. C'est pas des films que le grand public sont allés le voir, mais ils arrivent tellement tout le temps avec des projets qui sortent de nulle part, qui sortent vraiment de lui. C'est vraiment là, à chaque film de Robert Morin, on a l'impression qu'il a mis ses tripes sur la table à toutes les fois. Moi, ça m'impressionne à quel point ce gars-là, il va dans un sujet puis il va au fond. Mais parfois, il touche à quelque chose, parfois non. 3 histoires indiennes, il était assez dans le champ, je dirais. 4 soldats, un propos intéressant, moins bien maîtrisé, qu'on ne sait pas toujours ce qu'il veut dire comme message. Paradis pour tous, c'est le seul film de Robert Morin que je n'ai pas vu, mais encore une fois, comme on m'avait dit qu'il y a des bonnes idées, mais pas toujours exploitées. Celui-ci, encore des excellentes idées, mais là, il est allé à fond dans ce qu'il voulait dire. Il n'a pas perdu la maîtrise de sa caméra. Au contraire du poil de la bête, tantôt qu'on disait, mais fais quelque chose avec ta caméra, là, c'est le contraire. Il fait toujours quelque chose avec sa caméra. Pour vous donner un peu la bio du réalisateur, ce gars-là vit dans le bois. Okay? Ce gars-là vit pas dans la modernité. Il vit pas parmi les humains. Il vit reclus dans le bois. Puis il dit, des fois, j'ai une idée de film, je l'écris, puis quand ça vaut à peine, je sors du bois. Je vais à Coop Vidéo, je leur demande si ça vaut à peine. Quand ça vaut à peine, on fait de quoi? Puis quand ça vaut vraiment, vraiment la peine, on fait vraiment, vraiment de quoi? C'est vraiment comme ça qu'il pense. 3 histoires d'Indiens avaient fait capote parce que, justement, il est sorti du bois puis il a pris trop de temps à réaliser, fait qu'il s'est perdu carrément avec son projet. Donc, j'ai l'impression que les gens ne l'attendaient plus. Les gens se disaient, ouais, mais tu sais, il commence à se réchauffer, il commence à recenser les mêmes affaires. Il n'est plus on the point comme quand il faisait Papa part à la chasse ou la gopède ou Journal d'un coopérant, où là, il était tellement dessus, il était tellement avec le bon film au bon moment. Puis là, ça faisait 3 films que, ouais, mais tu sais, il étire. Et là, bam, ils arrivent avec le problème d'infiltration qui est drette dessus sur le contrôle, sur la perte de contrôle, mais sur le contrôle aussi, tu sais. On va en parler plus tard, mais il y a une scène de vin On en riait au début de l'épisode. En fait, là, son monde, il va plus bien. Okay? Le monde de Christian Bégin est en train de s'effondrer. Il n'y a rien qui contrôle. Sa femme, elle veut aller travailler. Son gars, il se rend compte qu'il vit une vie secrète, qu'il vit une espèce de double vie. Il n'y a plus rien qui tout lui glisse entre les doigts. Et il arrive au souper, il veut servir une bouteille de vin blanc avec son entrée. C'est très important que ce soit ce vin blanc-là. C'est super, super important. Il rentre dans son cellier. Il doit contenir 200 bouteilles, il n'y en a aucune de son goût. Les trois qui viennent d'ouvrir sont bouchonnés. Il doit se rendre chez son voisin, aller chercher du vin. Et le vin de son voisin lui semble satisfaisant pour être la même bouteille. Alors, on se demande, est-ce que son goût est dérangé ou les bouteilles de sa maison sont rendues intoxiquées parce que tout lui coule, tout devient du caca. Il n'y a rien, tout ce qu'il a touché n'est plus à son goût. Fait que ça se pourrait que le vin soit réellement bouchonné ou, au contraire, c'est lui qui a tellement perdu la carte qu'il n'est plus capable d'avoir la connexion avec même le goût. T'sais, qu'il est tellement plus là, il est tellement dans sa tête, il est tellement ailleurs, il est tellement dans ses pensées négatives que le vin ne goûte pas bon. Il y a deux manières de voir cette scène-là. Puis, comme je vous dis, ce film-là me laisse en suspens. C'est le genre de film que je pourrais voir 3 fois, 4 fois. Quiconque meurt en douleur, je dois l'avoir vu 25 fois. Oui, c'est vrai, je voulais dire, il y a une fois, Steven avait fait un podcast avec Science de Minuit, puis j'avais ri un peu de lui parce qu'il disait tout le temps le nom du réalisateur. Ben là, c'est à mon tour, je vais vous dire Robert Morin 45 fois, je vais vous nommer tous ses films parce que je suis une groupie raide et je le connais de A à Z. D'ailleurs, les gars, le voisin là, qu'on voit pas, c'est Robert Morin! Ouais, j'ai vu son nom à la fin de la générique. Je capotais. Mais moi, je l'ai reconnu. Là, j'étais comme dans la salle, là, j'écoutais le film dans la salle, puis j'ai fait « Ta vie, c'est Robert Morin! » Elle dit « Viens qu'on s'en crisse, on le voit pas. C'est pas grave, c'est lui! » C'est comme je reconnais sa main! Mais sans connaître le réalisateur, je me doutais que c'était peut-être lui, parce que je me disais c'est le genre de rôle qu'un réalisateur se donne, ça, en général, un rôle non visible comme ça. Là. Robert Morin se met en scène souvent dans ses films, okay. Par contre. Mettons, c'est le caméraman dans « Quiconque meurt à douleur » et il y en a un, j'ai toujours la misère à le nom. Et c'est un rip-off des 10 petits nègres d'Agatha Christie. C'est son enfant de grenouille. Il est quasiment impossible à trouver, ce film-là. Je l'ai écouté en VHS à ma bibliothèque, là, pour dire. Là. Puis c'est le caméraman dans ce film-là aussi. Fait qu'il joue souvent les caméramans de ses films. Fait que c'est l'espèce de rôle qu'on ne voit pas la face, mais qu'on l'entend parler. Ouais. Yes, sir, madame, c'est lui tout le long. C'est lui tout le long du film. Petit Papa Noël aussi, il joue le caméraman. Fait que tu sais... Il a une main mise sur ses projets. Il est en contrôle parfait. T'sais, pour vraiment faire un parallèle avec le poil de la bête où personne ne savait ce qu'il s'en allait faire. Là, on dirait là, tout le monde faisait sa petite affaire sur le plateau puis personne ne se consultait. Là, au contraire, c'est un film maîtrisé de A à Z. Parce que je pense que quand on embarque sur un projet avec ce réalisateur-là, on y va à fond. Bon, il va sur sa vision parce que s'il se crash, ben, c'est ça qu'il voulait faire quand même. T'sais, tantôt, je disais qu'il s'était crashé avec 3 histoires d'Indiens. Mais il est allé défendre son film quand même à tout le monde en parle en disant « Mais c'est ça que je voulais faire. Peut-être que je l'ai mal fait, peut-être que les gens le comprennent pas, mais moi, je suis satisfait parce que c'est ça que je voulais faire. » C'est ça, au moins, c'est assumé, tu sais. Mais c'est pas un film de producteur comme le poil de la bête, comme tu disais tantôt. Là. C'est vraiment un film de production, tandis que lui, c'est ce qu'il veut. C'est son produit fini, c'est lui qui a le final cut. Puis C'est ça, exactement. Puis c'est vraiment, si on applaudit quelqu'un pour ce film-là, c'est vraiment... Robert, c'est vraiment le réalisateur derrière ça. C'est vraiment lui qu'il faut applaudir parce qu'il a maîtrisé ses enfants. Puis il a maîtrisé Christian Bégin. Il a pris la chance aussi d'aller avec cet acteur-là. Ouais. Pas qu'il est pas bon, au contraire. Moi, je sais que c'est un bon acteur. Je m'en doutais. C'était vraiment pas quelque chose qui allait me faire peur. Mais il y a quand même un aura un peu funny party. Fait que c'est de voir est-ce qu'il est capable d'y aller. Puis je pense qu'il est allé à fond. Puis il n'y a eu aucune retenue dans beaucoup, beaucoup de scènes. J'allais le dire, tu viens de dire s'il faut féliciter quelqu'un pour le film, il faut féliciter Robert Morin, il faut aussi féliciter Christian. Oui, tout à fait, mais je pense que Christian avait besoin d'être dirigé d'une certaine façon. Oui. Si vous regardez Christian dans ses autres rôles, Christian Bégin n'a jamais. Ouais, même quand il pogne les nerfs, il bouge beaucoup de la tête quand il pogne les nerfs, Christian Bégin, il gesticule. Tu vois, va voir maintenant dans ses affaires quand il est pas content, il gesticule. gueule, il bouge la tête. Non, je sais, j'ai écouté plusieurs là, saisons de Rumeur, fait... je sais comment ce qu'il est, Christian Bégin, en tant qu'acteur. C'est ça. Puis... Mais là, il n'est pas là-dedans du tout, du tout. Fait que je pense qu'il a vraiment été chercher quelque chose de cet acteur-là. Puis on a son image il... publique à cause de Vino Leguin, à cause de Marc Lèche ouais. et tout ça, tu sais, c'est... Ça. Mais... Il est allé vraiment chercher quelque chose, de, entre autres dans la scène du viol, que je vais vous laisser parler, parce que comme je vous dis, moi, c'est un ensemble, ce film-là. On dirait que je ne suis pas capable de le découper en structure, probablement parce que c'est tourné en plan-séquence, mais je ne suis pas capable de le découper en structure. Je ne suis pas capable de dire tel moment. Ben, on dirait que pour moi, c'est vraiment une globalité. Ben, la scène du viol que tu viens de mentionner, je trouve que c'est le moment pivot du film. C'est là que ça, les choses basculent vraiment. T'sais, je trouve qu'il y a un avant puis après scène du viol, mais comme tu je suis d'accord aussi que c'est un ensemble le film, je trouve que c'est un bloc là, mais il y a quand même un petit, c'est la scène la plus importante du film pour moi, la scène du viol là. Puis la scène de la douche, ces deux scènes là collées ensemble, c'est les deux scènes les plus importantes pour moi là, c'est des scènes importantes, mais moi j'ai pas trouvé que c'était le pivot, par exemple. J'ai trouvé que c'était au contraire la base. Dans le sens où, quand il arrive puis il cherche sa femme, puis là, on apprend que sa femme est en haut. Il y a de la lumière en haut, en noir, en bas, c'est noir. Fait que là, je me dis, il veut pas aller voir sa femme, sûrement qu'elle est chiante, elle doit être castrante, elle est peut-être même en train de le tromper, elle va l'ignorer. Fait qu'il a beau avoir de la lumière, sa femme, c'est pas la lumière, puis c'est un trompe, là, tu sais, c'est un piège. Finalement, tu te rends compte que sa femme, c'est pas ça du tout. C'est un amour, elle est délicate, elle est à ses soins, puis t'es comme, oh my God, sa femme, c'était vraiment la lumière, puis il a préféré la noirceur à la lumière. Fait que, ben, je vous passe la parole. Ben, moi, je connaissais pas du tout Robert Morin, à part, tu sais, des entrevues, tout le monde en parle, puis des podcasts que des gens parlaient de ses films. J'avais une image dans ma tête de film qui était peut-être plus intellectuel, parce que j'étais... Ben, pas que ça l'est pas, mais tu sais, j'avais une image dans la tête qui était pas des films techniques, pas des films de réalisateurs de direction photo. C'était des plus, dans ma tête, un film de scénario, puis de... Ouais. Fait que, tu sais, je savais pas trop à quoi m'attendre. Fait que, tu sais, quand j'ai vu ce film-là, j'ai fait... Puis la première scène, tout après la scène du bonhomme qui a la face brûlée, la scène du char, j'ai fait, OK, c'est un film technique, parce que la caméra tourne autour de Christian Bégin tout le long qui est dans le char. Puis j'étais comme... Sur le coup, j'étais comme, comment est-ce qu'ils ont fait ça? Après ça, j'ai remarqué que, OK, c'était probablement un écran vert, puis c'était en studio, là, mais sur le coup, j'étais comme... C'est pas toujours. Vraiment... Non, pas toujours. Il y a des switches. On voit les switches un peu, on les perçoit là, quand ils passent de l'extérieur au studio. Mais c'est ça. C'était figé pendant 2 secondes. Ton image était figée. Je trouvais ça bizarre. Mais c'est ça. Non, mais j'ai remarqué que c'était un film... très technique, puis ça m'a beaucoup plu, tu sais, tout le long, je remarquais les mouvements de caméra, puis la manière qui... c'est toutes des longues prises, c'est pas un long plan séquence, le film, il y a beaucoup de longues prises, tu sais, la scène où il écoute la chanson de son fils, il y a tellement de moments qui pourraient décrocher le Christian Bégin, là, c'est... en tant qu'acteur, c'est génial, parce qu'il y a tellement de moments qui... la scène du vin aussi, là, s'il fallait qu'il décroche dans ça, ben, il fallait qu'il recommence tout au complet. Puis c'est long, cette fameuse scène-là, d'aller chez le voisin, de revenir. C'est toute cette panique-là qui dure peut-être 20 minutes, une demi-heure. C'est long, puis c'est toutes des longues prises sans coupure nécessairement. T'sais. Puis ça m'a beaucoup plu. La performance de Christian Bégin est phénoménale. J'ai vraiment adoré. J'ai adoré le scénario. Je suis sûr que c'est... Il y a toutes sortes de niveaux à ce film-là, puis on pourrait le regarder 5, 6, 10 fois, 15 fois, puis on verrait des choses différentes. Ma blonde, on l'écoutait ensemble, puis elle me disait le lendemain ou sur le lendemain, elle dit, j'aimerais ça le revoir, puis surtout, j'aimerais ça revoir la scène du début maintenant que j'ai vu le reste, parce qu'elle dit, il y a des trucs dans la scène du début. Elle dit, c'est la seule scène où la caméra ne tourne pas autour de Christian Bégin, mais il enroule, on le voit dérouler le bandage, puis on le voit l'enrouler après ça sur lui-même, puis après ça, tout le long du film, la caméra tourne autour de lui, tout le long du film. Puis est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça, là, mais il y a toutes sortes de niveaux qu'on pourrait, toutes sortes de trucs qu'on pourrait analyser dans ce film-là. Puis c'est ça, tu sais, moi, la scène du viol, la scène de la douche, c'était pour moi les scènes les plus marquantes dans mon cas. Je sais que c'est peut-être pas les plus importantes pour tout le monde, mais pour moi, c'est les plus marquantes. Et puis, détail, vraiment un détail... ben moi, qui m'a... J'allais dire, c'est pas un détail banal, mais c'est pas un détail banal dans le sens où, c'est la scène de la douche, là, je regardais ça, puis je me disais, j'espère qu'ils n'ont pas fait trop de prises, parce que c'est un Christi de gaspillage d'eau. Là. Moi, je fais attention ouais. quand je me brosse les dents de fermer l'eau à chaque fois, là, mais lui, là, il laisse Robert Morin laisse couler l'eau pendant 20 minutes. Non, j'exagère, ça a duré, mais ouais. 5-10 minutes. J'espère qu'il n'a pas fait 10 prises de ça, là, parce que la scène est super belle. Quand chose, il rentre dans le... j'allais dire le brouillard, pas le brouillard, mais la vapeur, tu sais, puis il disparaît. Christian Bégin, puis là, sa femme regarde, puis la caméra arrive sur la vapeur, puis on le voit pas partout, puis là, il ressort. J'ai adoré ça. Puis la douche, ah, puis je vais, j'arrive là-dessus, là, mais la maison, la douche, tout le lieu, c'est tellement trop gros, puis trop beau, puis trop... c'est des gens riches, c'est un chirurgien, puis tu te rends compte à quel point tout au long du film, que la richesse puis les belles maisons et tout ça, ça rend pas plus heureux. Quand tu vois son cellier, justement, avec ses 200 bouteilles, puis le gars, il panique parce que il trouve pas ce qu'il veut. Tu te rends compte que tout ça, là, toute cette luxure-là n'apporte pas le bonheur, tu sais, puis c'est quelque chose que personnellement, je sais, ou en tout cas que quelque chose dans lequel je crois dans ma vie, que l'argent n'apporte pas le bonheur, mais tu le vois vraiment dans ce film-là. En tout cas, c'est bien démontré que tout ce qu'il a, ça lui donne absolument rien parce que sa vie est remplie de mensonges, puis de vide, puis de noirceur, tu sais. Puis il y a des problèmes tout le temps, tu sais. Son problème d'infiltration, justement, mais il y a des problèmes partout. Le problème d'infiltration est le moindre de ses problèmes, dans le fond. Tu sais. Il y en a tellement d'autres. Puis c'est ça, je pense que au départ du film, tu veux prendre pour ce personnage-là, tu veux t'attacher à lui, tu sais pas trop à qui t'as affaire, mais tu fais « Ok, c'est mon héros, fait que je vais le suivre comme un héros. » Puis c'est là que je dis au moment du viol, il y a un pivot, ouais. Parce que moi, à partir de ce moment-là, je me rends compte que c'est un trou de cul, ce gars-là. Ouais, ok, ouais. Puis c'est là qu'il y a un changement. Ouais. C'est pour ça que je dis qu'il y a un avant puis un après. Parce qu'avant ça, c'était un peu la victime. T'sais. Ok, quand je le voyais, je comprenais pas. Ouais, je me suis mal expliqué, mais c'est ça. C'est la je pensais où... que c'était dans le récit, moi, le pivot, mais toi, tu parles dans la relation qu'on a avec le personnage. Là, oui, je suis d'accord. Ouais, ouais. Puis c'est ça, tu sais, la scène où ce qui. J'ai trouvé. La scène juste avant où il découvre la chanson de son fils, puis j'étais tellement content que Robert Morin la mette la chanson au complet, puis que t'as le personnage qui. Tu sais, son fils s'approche de lui, puis il veut arrêter l'iPod, puis non, non, tu touches pas à ça. Puis tu sais, sans aucun mot, là, mais c'est comme les gestes, tu touches pas, puis tu me laisses écouter la tune jusqu'au complet. Puis son visage, ses larmes et tout ça. Puis à ce moment-là, il n'avait pas encore violé sa femme. Puis j'étais comme... Je le comprends, tu sais. Je suis un père de famille maintenant. Fait que je peux comprendre, je peux imaginer un peu ce que ça peut être le père d'un adolescent. Puis comment tu peux avoir des espoirs. Puis une image de ton fils qui est finalement pas la réalité, tu sais. Puis... Cette scène-là, c'est de la bombe. Ah ouais, sérieusement, cette scène-là frappe comme un coup de marteau. C'est fou. C'est des longues prises. Fait que, c'est tout le long, il décroche pas pantoute. Il pleure. Puis c'est tellement intense, là, c'est tellement beau. Là, puis, Ah non, moi, j'en parle. J'ai adoré ce film-là. Je le regarderais 15 fois de suite, puis je me m'écœurerais pas. Comme je dis, il y a plein de choses à voir, puis à revoir, puis à découvrir à nouveau, je suis sûr, là. J'aime tout de ce film-là. J'ai vraiment adoré, puis je vais falloir que je fouille dans la filmographie de Robert Morin, parce que faut que je découvre ce réalisateur-là. Là. J'adore Yay! Ça. Steven? C'est sûr que je vais sans doute me répéter un peu avec vous, et je suis pas autant connaisseur du réalisateur que Vicky, là, la passionnée. J'ai vu 3-4 de ses films que j'ai beaucoup appréciés, mais dans ses dernières productions, j'en ai pas vu beaucoup. Et je savais pas trop quoi m'attendre avec Problème d'infiltration. Un peu comme GF, je m'attendais pas forcément à un film de scénario, mais je m'attendais zéro à ce que je sois devant un film techniquement aussi ambitieux et maîtrisé. C'est la dernière chose auquel je m'attendais. Je serais pas capable de voir une quinzaine de fois d'affilée parce que je trouve que c'est hard comme film. C'est très noir et c'est vraiment une descente aux enfers d'un narcissique pervers. T'sais, c'est vraiment ça. Et tu vois que Robert Morin se concentre vraiment là-dessus parce que c'est ça qui est le fun. C'est un film de genre, mais c'est un film de genre avec un réalisateur qui a quelque chose à dire. T'sais, il a besoin de sortir de quoi. Il y a de la colère en dedans de ça. Puis il s'attaque au narcissique qui est prédominant de nos jours. Je veux dire, tu regardes celui qui est à la tête des États-Unis en ce moment, c'est qui? C'est un putain de narcissique qui se centrait sur lui-même comme c'est pas possible. Puis je veux dire, on l'est tous un peu en même temps, tu sais, avec nos Facebook, nos Instagram, puis notre manière de tout le temps prendre des selfies de nous, de nos petits repas. T'sais, on est tellement centré dans notre petit monde que, tu sais, j'ai pas eu de misère à m'incruster dans le monde de Christian Bégin. Et l'affaire, moi, c'est que j'avais peur au début, parce que la première scène d'intro avec le brûlé, c'est un long plan de séquence, comme il a dit Jean-François. Et juste cette scène-là, je pense qu'on pourrait faire genre une analyse qui pourrait durer des heures. On pourrait débattre. Ouais. C'est fou, cette scène-là est vraiment incroyable. Mais c'est surtout que de nos jours, c'est rendu la mode, les faux plans séquences, parce qu'il y a des raccords entre tout ça. Puis, t'sais, j'ai l'impression que Morin s'en cache pas forcément. T'sais, on peut les voir, les couper, mais ça change rien à l'immersion. Mais c'est rendu de la mode, puis ça me gosse. Parce que c'est pour beaucoup de réalisateurs, c'est devenu du tape à l'œil. Je vois des films de Iñárritu, ça me gosse. J'ai l'impression de voir un gars qui fait vraiment juste dans le tape à l'œil pour faire son show-off technique, puis qui fait pas grand-chose avec son plan séquence. Je veux dire, je regarde The Revenant, puis il y a des scènes que il aurait tourné ça en pas plan séquence, puis avec des coupeurs, ça aurait rien changé. Ça n'apporte rien. Mais problème des filtrations, son plan séquence sert à quelque chose, et ça sert à t'incruster dans l'univers de Christian Bégin, j'ai de la misère des fois avec les noms, Bégin. Puis à te suffoquer. C'est un huis clos, mais c'est un huis clos de personnages. Parce que l'univers se resserre autour de lui. C'est un cliché, mais ça reste que c'est ça. T'sais. La caméra reste tout le temps serrée contre lui parce que tout se resserre autour de lui. Puis... C'est ça. Fait que tout le long du film, moi, je suffoquais avec ce personnage-là. Puis tu l'as dit, Jean-François, au début, c'est un personnage que tu prends un peu pitié. Tu as envie de voir réussir. Tu sais pas trop où te situer. Mais le film, la manière que je l'ai vu, c'est comme... Il y a quand même des coupures assez évidentes en noir pour faire une transition. Puis j'en ai vu 6, je crois, si je me trompe, ou 5, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est 6. Puis j'ai eu l'impression que les 3 premières plans séquences, il y a une progression entre j'ai pitié pour lui, je ne sais plus trop où je me situe, puis rendu au 3e, j'étais quasiment rendu indifférent parce que là, j'étais vraiment perdu. Puis à partir du 4e, on dirait que le personnage dévoile son côté monstrueux. Puis on dirait que les 3 derniers plans séquences, pour moi, c'est la descente aux enfers, comme le dit Vicky, d'un trou de cul. Et Morin fait tout le temps de quoi avec ses plans séquences? Il y a tout le temps quelque chose. Des jeux de lumière, des jeux d'ombre. Tout est là pour amplifier la psychose du personnage. Tu sais, les bruits. Maintenant, on dirait quasiment qu'on est dans Apocalypse Nord. Là. Il entend des bruits d'hélicoptères, de voitures. Tout s'effondre sur lui, son univers. Lui qui aime tellement avoir le contrôle sur tout, même au point de garner ses petites assiettes avec ses petites boules de gelée, là, tu sais, qu'il veut même pas laisser son fils faire. Là, c'est comme, gars, c'est moi qui fais tout comme il faut, laisse-moi faire. Puis toi, tu vas porter une assiette, pas deux, tu sais. C'est comme si c'était dur d'avoir 2 assiettes. Moi, j'en amène 5. Non, c'est ça. Mais une. Mais lui, le gars, il est juste trop centré sur lui. À chaque fois qu'il parle avec sa femme, là, puis qu'elle vient la remettre en question par rapport à l'éducation de son fils, c'est tout le temps comme, oui, mais moi, t'as-tu pensé à moi? T'sais, il dit tout le temps ça, tout le long du film. Oui! Puis, c'est juste fou. C'est une immersion totale. J'ai vraiment trippé. Puis tu disais, Vicky, que c'est un film de réalisateur, puis c'était maîtrisé à 100%. Je suis 100% d'accord, c'est vrai. Mais j'ai l'impression qu'il y a un pourcentage où que Morin a laissé le champ libre à Christian Bégin. Asti, je recommence. Mais qu'il a laissé libre cours, puis c'est quasiment de l'improvisation par moment, parce que c'est le premier grand rôle dans un film, je crois, pour Christian. Il a tout le temps fait de la télé. Puis, oh my God, il est écœurant là-dedans. Je l'ai vraiment trouvé incroyable. Et sinon, je risque de pas mal de me répéter. Et là où que moi, je trouvais que je voyais des liens avec le cinéma d'horreur, c'est que je trouve que c'est oui, dans le... Moi, je trouve... Tu sais, tu peux avoir des films qui vont avoir un sujet horrifique, mais dans le traitement, ça fait plus vraiment... drame ou film d'action, peu importe. Tu sais, tu veux écouter un film de guerre ou que c'est full gore, des fois, tu verras peut-être pas forcément un aspect horrifique, malgré que le sujet, c'est dégueulasse, la guerre, t'as rien de plus horrifique. Mais la manière que Morin filme certaines scènes, pour moi, c'était filmé comme un film d'horreur. La scène, moi, qui va chercher la bouteille de vin chez son voisin, excuse-moi, mais c'est à mes yeux, c'est tourné comme un film d'horreur. T'sais, il sort dehors, il essaie de se grouiller à marcher jusqu'à là-bas, il commence à paniquer, puis il a l'impression que toute la banlieue est en train de le bouffer. Il essaie de sortir de là, mais la banlieue se referme sur lui. Puis avec la pleine lune, puis les effets sonores, pour moi, c'est une scène d'un film d'horreur, la manière que c'était fait. Puis même le dernier acte du film, pour moi, la manière que c'est mis en scène visuellement, c'était digne d'un film d'horreur. Puis, tu sais, oui, on peut pas le classifier juste de ça, mais je trouve que le film a suffisamment d'éléments visuels qui me fait penser à des films d'horreur, puis qui me fait filer. Tu sais, je veux dire, c'est un film qui m'a fait filer mal, c'est un film noir, et je me suis vraiment senti mal, je filais vraiment pas bien. Puis normalement, c'est dans le cinéma d'horreur que j'ai ce feeling-là, puis je l'ai retrouvé avec le problème d'infiltration. Puis en gros, c'est pas mal ça. C'est un film maîtrisé de bout en bout que j'ai envie de revoir, mais avec un laps de temps, s'il vous plaît. J'ai besoin de le digérer. Puis même avant l'épisode, je me demandais si j'allais être capable d'en parler correctement. Oh, et j'ai trouvé ça... Je sais pas comment dire. Tu sais, t'écoutes ce film-là, puis là, tu fais évidemment une association à Guy Turcotte. Je trouve que c'est quand même évident, tu sais, médecin qui finit par tomber dans une genre de psychose, qui va tuer sa famille au bout du compte. Mais c'est que, moi, en tout cas, je l'ai perçu, mais à un moment donné, durant le souper, il y a une conversation assez explicite directement reliée à Guy Turcotte. Je sais pas si vous l'avez remarqué, ouais, mais ouais. Avec les amis. Puis tu sais, c'est cool, mais j'ai trouvé ça pas forcément nécessaire dans le sens que je faisais déjà le lien automatique dans ma tête parce que c'était tellement médiatisé, l'affaire de Guy Turcotte, qu'on dirait que j'ai pensé automatiquement à ça, que j'ai trouvé que c'était pratiquement comme, hey, regardez, faites le lien avec Guy Turcotte, ça ressemble à ça. Puis je sais pas, on dirait que j'aurais enlevé la conversation malgré que c'est quasiment juste en fond, là, c'est pas principal. Ah, moi, c'est pas marqué. Elle m'a pas marqué. Je m'en souviens parce que t'en parles, mais elle m'avait pas non, marqué. Non, mais tu sais, c'est pas remarqué du tout. OK. Mais tu sais, c'est pas un gros défaut. C'est juste que sur le coup, à un moment donné, j'étais concentré sur la conversation parce que même lui avait l'air de l'écouter. Mais tu sais, je trouvais ça intéressant. Puis j'aime la manière que le film est fait. On dirait que c'est fait comme une tranche de vie. On rentre dans une tranche de vie, dans une maison qui semble, somme toute, banale, dans un quartier banal. Et les gens, des fois, on réalise pas que dans nos quartiers, nos rues, ben, ces genres d'histoires-là, il y en a plein au Québec. Puis ça arrive ça peut arriver autant à nos voisins que n'importe où, je veux dire. Puis la manière que le film se termine, moi, le dernier plan, je veux pas le dire, mais je l'ai vraiment adoré. Ça a vraiment comme fait, et voilà, c'est une porte qui se referme sur une tranche de vie. Ouais. Qui peut arriver n'importe où au Québec, ça m'a vraiment frappé. Fait que j'ai vraiment trouvé en ça. En même temps, tu parles d'un quartier banal, c'est pas des petites maisons. Là. C'est non, pas un quartier non, si banal que ça. C'est tourné à Brossard, je pense, mais c'est. Je sais pas dans quel coin, là, mais c'est des méchantes baraques. Là. Ça, je disais tantôt, la maison est impressionnante. Là. Oui, vraiment, mais tu sais, dans le sens où c'est un quartier où toutes les maisons se ressemblent. Oui, oui, je veux dire, c'est un quartier typique de banlieue, d'argent qui ont de l'argent, de gens qui ont de l'argent. La maison du voisin où il va chercher du vin a l'air d'un mini bloc appartement. Mais j'ai pour une dit personne... la même chose à ma blonde. J'ai dit, il pourrait avoir trois appartements là-dedans ou quatre au moins. C'est fou, hein? Oui. On dirait un mini bloc appartement. C'est des fenêtres d'appartement. Oui, vraiment. Puis ça veut dire quelque chose, là. Que ce soit dans ce quartier-là, c'est pas innocent, là. Ça sent pas nulle part. Là. J'ai fait la même réflexion, j'ai dit la même chose. Mais tu sais, le côté horreur, là, je pense, là, je vais peut-être insulter du monde, mais je trouve que les gens ont trop besoin des fois d'avoir une définition, de définir les choses. Puis je vais faire juste un parallèle avec d'autres choses, mais je suis abonné sur Facebook à un groupe de fans de rock progressif qu'on appelle le prog en bref. Mais en c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, c'est devenu quasiment une joke la dernière semaine, durant le mois de janvier ou fin janvier. À tout bout de champ, il y avait des posts sur le groupe. C'était comme, tel groupe, c'est-tu du prog ou pas? Tu sais, Pink Floyd, c'est-tu du prog ou pas? Rush, c'est-tu du prog ou pas? Puis les gens, c'est comme ça débattait. Ah, oh, mais ça, c'est pas tellement prog. Ça, oui, ça ne l'est pas. Puis là, ça cherche des définitions. Puis ça cherche à... Ou des fois, tu as des posts de genre... Hey, si vous avez des albums de tel groupe qui commencent par telle lettre, comment vous les classez dans vos affaires? Puis j'étais comme. Ok, là, je veux pas être insultant envers personne, mais c'est comme. Enlevez-vous le bâton de dans l'anus, là. C'est pas important comment tu classes tes CD tant que ça. Là. En bout de ligne, là, dans ta vie, là, c'est pas si grave que ça. Puis d'avoir des définitions qui vont dire, ok, le prog ou le film d'horreur, ou peu importe, c'est ça exactement, tu sais. C'est pas important tant que ça. C'est si ça te fait réagir, toi, tu sais, c'est là que c'est intéressant. En tout cas, c'est ma vision à moi des choses. C'est très personnel. Comme je dis, je veux pas insulter le monde, mais c'est comme ça. C'est relatif. C'est très relatif. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait pas peur? Tu sais, depuis que je suis jeune, on débat moi et mes amis, ils disent, qu'est-ce qui te fait peur, qu'est-ce qui te fait peur? Moi, c'était les films de zombies qui me faisaient peur quand j'étais plus jeune, ou les films de démons, les films de trucs fantastiques, tu sais. Puis des films de fantômes chinois, mettons. Puis il y a des gens qui me disent, ah, moi, j'ai plus peur des films de serial killer, des films plus réalistes, là, tu sais, de psychopathes, des trucs comme ça. Je suis comme, ah, moi, ça me fait pas peur, pas en tout, parce que moi, j'étais un gars assez grand qui sent qu'il pourrait se défendre s'il arrivait quelque chose, fait que ça me fait pas peur, tu sais, des serial killers. Mm-hmm. Mais des films de fantômes chinois avec une petite fille qui a les cheveux d'en face, ça, non, ça, j'ai peur, ça. Mais tu sais, c'est très relatif. Puis je suis très conscient que le problème d'infiltration s'affiche pas vraiment dans le cinéma d'horreur. Mm-hmm. Mais comme on a dit tantôt, ça a été présenté à Fantasia dans un cadre comme ça. Moi, je trouve que c'est correct qu'on en parle ici, même si c'est pas techniquement de l'horreur, c'est oppressant, c'est dark, comme tu dis, Steven, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est pas un film qui est le fun à regarder, comme tu dis, tu as besoin de temps. Moi, je pense que je pourrais le regarder tout de suite, après l'avoir, ça fait deux jours, je l'ai vu trois jours, mais, ouais. Mais tu sais, c'est vrai que c'est pas facile à regarder, fait, est-ce que c'est de l'horreur? Non, pas nécessairement, mais tu sais, c'est pas la fin du monde non plus, si on en parle dans le podcast, là. Ben, moi, je vais revenir avec ma connaissance du réalisateur pour le justifier si c'est un film d'horreur ou pas. En fait, déjà en partant, le film part avec un échine dans le pied. C'est un film québécois. Et quand on trie les films, que ce soit dans un magasin, une bibliothèque, dans ta bibliothèque à toi, peu importe, tu vas trier les drames, les films de guerre, les comédies, puis les films québécois. Comme si les films québécois étaient un genre en soi. Fait que tout ce qui a été fait au Québec se ramasse dans la même crise de pile, en partant. Fait que déjà, en partant, le film part avec un moins au niveau de son genre, parce que son genre, c'est film québécois. Ensuite de ça, je vais reparler de ce qui est du plan séquence et de la maîtrise, mais c'est un film qui a une trace de son auteur, puis c'est un auteur connu. Fait que quand il va être vendu dans les médias, on parlera pas comme Les Affamés slash le film de zombies, Les Affamés slash un film de genre. On va dire le nouveau film de Robert Morin. Donc, en partant, il n'est pas vendu comme un film appartenant à un genre, il est vendu comme un film appartenant à un réalisateur et faisant partie d'un ensemble qui est les films de Robert Morin. Fait que quand on essaie de le labelliser, quand on essaie de mettre un titre, un genre dessus, c'est très difficile parce que celui-ci n'a pas été genré. Celui-ci n'a pas eu d'attribution de genre dans les médias, dans sa publicité, dans son marketing. On lui a pas donné de genre. Fait que là, il faut tout effacer ça de notre tête pour lui donner un genre puis dire, si je le vendais à l'international, comment est-ce que je le vendrais? Et moi, je pense que oui, tu peux dire que c'est un drame horrifique à l'international. Mais pour ça, il faut qu'on t'enlève tout ce que toi, tu sais du film. Fait que oui, ça peut être dur de dire est-ce que c'est vraiment de l'horreur? Mais si ce film-là venait de la Yougoslavie, du Portugal, je sais pas, de la Tchécoslovaquie, puis on vendait ce film-là, c'est les fans d'horreur qui tomberaient dessus en premier, je suis certaine. Ouais, possible, oui. C'est pourquoi je pense que c'est un film d'horreur. Puis tu vois, moi, en tant que gars qui connaît pas Robert Morin, ce qui me vendait le film, c'est la présence de Christian Bégin. Parce que j'étais curieux de le voir dans un rôle comme ça. T'sais, après j'avais entendu parler du film, j'étais comme, ah ouais, OK, il fait ce genre d'affaires-là, je suis curieux. Et, c'est curieux aussi, oui. Et pour parler un peu des plans séquences, encore une fois, je continue avec le background du réalisateur parce que je me dis, vous êtes certainement pas les seuls qui le connaissent pas tant que ça, puis je me dis, ça peut peut-être intéresser les gens. Ce réalisateur-là, il vient de l'époque de la VHS, puis c'est un des premiers films à avoir mis des films sur le marché en VHS. C'est un gars qui est habitué de faire du one take. Donc, pour nous, on l'analyse en plan séquence parce que, comme Steven il dit, il y a de la mode, il y a ci, il y a ça. Mais lui, ses films, c'est ça. Petit Papa Noël commence, sauve sur un plan séquence. C'est un long plan séquence du fils qui va rencontrer son père. Puis, il y a une caméra à l'épaule. Parce qu'après le VHS, Robert Morin a tourné ses films en numérique, mais avec une caméra à l'épaule. Fait que ses films, c'est des one-cut. Ses films, c'est des one-take. Je veux dire, ces films font pas de cut. Il va prendre la caméra, il va la poser sur une table, puis il va continuer sa scène. C'est comme ça, puis la caméra fait toujours, toujours, toujours partie, à part à deux ou trois films que je peux dire. Sinon, les films font partie, la caméra fait partie du film pratiquement tout le temps. Fait que pour nous, on peut l'analyser comme ça, mais le film, Je veux dire, la création du film n'a pas été envisagée autrement parce que tous ces films sont comme ça. Tantôt, quand on va faire les recommandations, je vais vous en recommander quelques-uns à ce niveau-là. Mais le plus apprécié, mettons, dans les livres d'histoire du Québec, du cinéma québécois, c'est Yes Sir, Madame. Moi, je ne l'ai pas tant aimé que ça. Peut-être que je le revois, mais moi, je ne l'avais pas vraiment apprécié. Puis, c'est vraiment quelqu'un qui a une caméra VHS qui a posé devant son miroir puis qui se filme. Fait que, tu sais, tu dirais c'est des plans séquences. Non, c'est des plans VHS. Tu peux pas faire de cut sur des VHS. Fait que c'est intriguant de savoir, c'est fascinant plutôt, c'est fascinant de voir un réalisateur qui a commencé comme ça, le voir aujourd'hui, comment il manipule sa propre technique, comment il amène sa technique en 2018. Puis moi, c'est ça que j'étais comme flabbergastée, puis j'ai fait... Ben, tabarnak, il a encore réussi à se renouveler. T'sais. Il a encore pris son médium qu'il connaît, puis il l'a renouvelé. Ça m'a fait capoter. T'sais, c'est le fun que ça va au-delà de la gimmick. T'sais, exemple, oui. J'avais critiqué un film allemand, si je ne me trompe pas, sur Bras de fer des films qui s'appelait Victoria. Puis c'était un film en plan séquence qui dure 2 heures sur un vol de banque avec une fille qui va passer une nuit d'enfer. Et t'sais, c'est un plan séquence, mais c'est pas une gimmick, c'est juste là pour servir le film. C'est pas tape à l'œil, le film est pas juste vendu là-dessus. T'sais, le film est plus qu'un simple plan séquence. Puis un an après ou quelques mois plus tard, t'as Pods qui annonçait King Dave. Puis j'ai l'impression que King Dave, ça c'était tout le contraire. Ça c'était, regardez, on fait un film plan séquence. Puis la pub était faite autour du plan séquence, on parlait juste du plan séquence. Mais au bout du compte, je n'ai pratiquement pas entendu parler de ce film-là parce que. Je sais pas, je l'ai pas vu, mais c'est ça qui m'a pas donné envie de le voir, c'est que je trouvais que c'était un film où que ça misait tellement sur une gimmick que ça allait me gosser, que ça servait pas vraiment au film que ça soit en plan séquence, que ça n'apportait rien de plus. Fait que tu sais, j'aime ça voir Morin, avec les problèmes de filtration, ben, faire tout le contraire de Pods, de faire des plans séquences, mais des plans séquences qui servent à quelque chose, ouais. Qui va servir à montrer la descente du personnage, tu sais, puis à montrer visuellement ce que lui voit. Peut-être vraiment des idées visuelles écœurantes là-dedans. Tu sais, quand je disais tantôt qu'il courait sur place dehors avec la banlieue alentour, tu sais, en une prise, il court vraiment à un moment donné, puis il avance pas. C'est fou comment c'est fait, là. Il y a vraiment un côté technique fascinant dans ce film-là. Là. Puis tu vois que, tu sais, au contraire de Philippe Gagnon, c'est super maîtrisé. T'sais, Philippe Gagnon, on disait tantôt, Vicky disait tantôt, ouais. C'est un film, Le Poil de la Bête, où t'as l'impression que c'est la première prise à chaque fois, tu sais. Mm. Tandis que là, même si ce serait la première prise, tu sens qu'ils ont travaillé avant, tu sens qu'ils ont répété, tu sens que c'est maîtrisé, tu sens que Christian Bégin connaît son personnage, que Robert Morin connaît ses personnages, connaît ses lieux et tout ça. Tout a été... vraiment répéter, c'est maîtriser. C'est un maître. Mmh. C'est un maître. Ouais, puis, tu sais, je le répète, il n'a pas réussi à toutes les fois. Ses 3 derniers films n'ont pas touché les gens. Fait que c'est pas qu'il réussit à toutes les fois, mais c'est que quand il réussit, tabarnak qu'il réussit. C'est vraiment ça, tu sais, on le dit, la maîtrise de la technique, mais c'est qu'il l'a peaufiné sur tant de films. Puis là, cette fois-ci, on dirait que sa technique liait son sujet, tu sais, magiquement. Vraiment, là, il y a comme la magie s'opérait devant nous dans ce film-là. Mais je connais pas ses autres films, mais j'imagine que le sujet aussi, qui est très minimaliste, on suit juste un homme tout le long. Sa caméra tourne autour de lui tout le long. Ça reste que ça simplifie des choses au niveau technique et tout ça. T'sais. Tu peux focusser vraiment juste sur lui. Ouais. Puis c'est ça. Au lieu de t'éparpiller dans plein de directions, je sais pas, je connais pas ses autres films. Là, ben, tu vois que c'est vraiment ça, son sujet principal. Il veut vraiment focusser sur ce personnage-là, puis sa transformation inévitable. Là. Mais t'sais, au contraire, mettons, du Poil de la Bête, qui a des personnages, comme Vicky disait, n'ont pas de background. Même la femme de Christian Bégin, elle a un background. Tu comprends son fils, tu comprends un peu c'est qui aussi. Ses amis, peut-être pas vraiment, son voisin, non, mais tu sais, c'est ça. Le vieux, au début, tu comprends, c'est qui ce gars-là, tu sympathises aussi pour lui, pour ce qui est arrivé. T'sais. En tout cas, il y a plein de ces gens-là, t'as de la sympathie pour eux, puis t'as jamais ça avec aucun des personnages du Poil de la Bête. C'est une grosse, grosse différence en termes de scénarisation, en termes d'écriture des personnages. T'sais. Mais c'est ça, c'est l'écriture qui fait toute la différence aussi, puis la façon que les acteurs le jouent. Ouais. Veux pas. J'imagine que Morin a donné une certaine profondeur au personnage de Christian, puis Christian l'a juste enrichi avec ce qu'il avait comme idée en tête de la façon de le jouer. Là. Oui. Ouais. puis on parle beaucoup de l'image, mais le son. Le son, c'est fou. Le son, il est agoraphobe, hein? Vraiment, là, le son s'attache à lui comme de l'agoraphobie. Vraiment, là, ça crée des effets de sécurité à l'intérieur, bouleversement à l'extérieur, le monde extérieur. On dirait qu'il vit dans un ghetto. Chaque fois qu'il sort de, qu'il ouvre une porte, qu'il ouvre une fenêtre, on dirait qu'il vit dans un ghetto, un hélicoptère, un char, quelque chose. Puis tu fais, tu regardes, il se passe rien. Il se passe rien, Jésus. Mais il y a des alarmes tout le temps, puis il y a des, c'est ça, il y a des bruits. Ouais, mais on dirait que l'élément déclencheur du Grand Brûlé au début est venu secouer son monde. Puis on dirait qu'à l'extérieur de sa maison, que c'est la seule place qu'il pense peut-être avoir encore du contrôle, ben c'est là que le camier, tandis qu'à l'extérieur, il n'y a plus aucun contrôle. J'ai eu l'impression à un moment donné qu'il avait peur de l'extérieur. Je me suis demandé, c'est peut-être le genre de gars qui a peur de l'extérieur, parce que quand il met son manteau dans le garage, sa petite froc, pour aller dans la petite remise, pour aller chercher les vêtements de son fils. Juste avant de sortir du garage, il fait comme prendre une respiration, quelque chose comme « OK, là, je me prépare à sortir. » Là, il sort, puis il se dépêche de rentrer dans l'autre petite remise, tu sais. Puis, pour vous, le vin, il était-tu pourri ou il était pas pourri? Moi, je pense que ça venait de lui. Moi, je pense que c'est son goût à lui qui était... Puis sa psychose qui a fait ça, tu sais. Je le pense aussi, puis j'ai pas d'éléments... J'ai pas d'éléments principaux qui me fait dire, OK, à cause de cet élément-là, il est rendu au point de non-retour, puis ça peut que se termine mal. J'ai juste l'impression que c'est juste une accumulation de plein de petites choses qui est juste venu fucker ben raide, là. Tu sais, je pense pas, exemple, que juste le vin fait en sorte que là, c'était la goutte qui a fait déborder le vase, là. Non, mais pourquoi il peut servir la bouteille du voisin? Ben, c'est juste psychologique, selon moi, là. Comme fait tu disais un peu, sa maison pourrit toute, dans le fond. Moi, j'ai l'impression que sa maison pourrit et que son vin était vraiment pas bon. Parce que sa maison pourrit, tout ce qu'il a touché pourrit, son univers pourrit, tout ce qui lui appartient a pourri. Dans la journée même, là, tout ce qui lui appartient pourrit. J'ai souri quand sa blonde a dit un peu ce que le commun des mortels dirait, c'est comme « Ouais, mais on s'en fout, là, t'es invité, puis on s'en fout. » Puis tu sais, je me suis crié à la TV, j'ai fait « Ouais, mais c'est curieux, Bégin, lui, il s'en fout pas, lui. » Moi, je connais pas Curieux Bégin, malheureusement, je sais pas trop de quoi vous parlez. Ouais, mais tu connais les parodies de... Marc Labrèche? De Marc Labrèche? Un peu. Pas beaucoup. OK. Faudrait que... Va un peu sur YouTube, tu vas adorer. OK. Mais déjà, Marc Labrèche fait toujours des parodies aussi très on point. Jamais ce sont vraiment très bonnes. Là, c'est les mimiques. Là. Oui. Puis ils ont déjà fait rencontrer, je pense, la parodie puis le vrai. Tu sais. C'est génial. Fait que... ouais. Moi, je t'aime. J'étais contente. J'étais vraiment contente de voir ce film-là. Moi, je me suis vraiment pris une claque. Je ne m'attendais pas à prendre une claque, honnêtement. C'est ça. C'est que, tu sais, pour beaucoup, c'est genre, c'était tout fin. Puis moi, c'était genre, enfin, il est de retour. Après 3 films moyens, enfin, je l'ai. Parce que c'est ça, là, les gens vont triper, ils vont aller voir 4 soldats sur Netflix, qui est disponible depuis longtemps, mais ils vont faire, ça me semble, c'est pas pareil. Il y a des bonnes idées, mais il y a des affaires qui marchent pas, tu sais. Non, mais moi, je me dis, tu te fais une soirée double, surtout que maintenant, les deux sont disponibles. T'écoutes les affamés, puis après, le problème d'infiltration, peu importe l'ordre. Mais après ça, tu peux pas ne pas être fier de qu'est-ce que le cinéma québécois nous a offert en 2017. Là. Si tu fais abstraction des grosses productions qu'il y a eu dans les salles, là, ça me fait chier de pas l'avoir vu en 2017. Parce que, honnêtement... il aurait pu faire partie facilement de mon top 10. Là. C'est vraiment un film que j'ai trouvé très marquant. Oui, tu l'as-tu vu? Puis tu l'as acheté ou tu l'as acheté puis tu l'as vu? Je l'ai acheté parce que, premièrement, il était en prévisionné au Vidéotron. Puis quand tu l'achètes neuf, il est quand même dispendieux. Fait que là, je pouvais l'avoir pour 9$. Fait que j'attendais juste qu'il soit ses tablettes. Puis je n'avais tellement entendu parler au Fantasia que je me disais, tu sais, que... c'était pas un mauvais achat. Là. J'étais quand même assez confiant que j'allais un minimum aimer ça, au moins. Oui, c'est ça, parce que je pensais que le seul vendeur, c'était la Coop Vidéo via leur site. Et je me demandais comment tu l'avais acheté, mais oui, prévisionner Vidéotron, c'est pas fou. Puis, le film est pas si long que ça. C'est entre 1h30 et 1h40, mais il n'y a pas aucune scène qui est inutile. Il n'y a pas de longueur dans le film. Même si le film a des longues séquences, des plans séquences, des longues prises, il n'y a pas de longueur. Le mot qui me revenait tout le temps, c'est que c'est captivant. Quand j'ai repensé au film après, c'est captivant. Tu restes là, dès la première séquence, tu es comme, OK, je suis dedans, puis je décroche jamais. J'ai jamais envie d'aller à la toilette, j'ai jamais envie de rien. Je veux juste continuer à regarder. Puis, tu sais, c'est ça. C'est Christian Bégin, là, tu sais, mais j'ai pas envie de le voir tout nu en train de coucher avec sa femme, mais c'est comme... je suis fasciné par tout ce que je vois à l'écran. Je suis hypnotisé par ce film-là, tu sais. Du début à la fin, de la première image à la toute dernière image, tu sais. C'est beau, c'est captivant, c'est oppressant, opprimant. En tout cas, c'est... Le film te fait vivre toutes sortes de gammes d'émotions, là, c'est fou. Oui. Puis t'es captivé par son visage, par son entourage, par en tout cas, par tout. C'est drôle parce qu'avant de voir le film, il y a juste deux personnes qui arrêtaient pas de me dire la scène du rap, c'est du génie. Fait que dans ma tête, j'allais voir Christian Bégin faire du rap. J'étais comme, ça va être quoi la scène? C'est lui qui va rapper parce qu'il va être écœuré? Je savais pas à quoi m'attendre. Une bitch, c'est une bitch. Ah, man, c'est tellement drôle, là. Ça devrait être ça la toune qu'on fait jouer tantôt. Une bitch, c'est une bitch. Mais tu sais, c'est drôle, tu dis que t'as vu aucune longueur puis que c'était pas long malgré même des plans séquences. Mais je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais apparemment qu'il y a des gens qui l'ont vu au Fantasia. Puis dans, je pense qu'il était dans quelques salles limitées. Puis apparemment qu'il y a du monde qui sortait après comme une demi-heure, 40 minutes. Fait que je crois que c'est quand même un film, malheureusement, qui est pas pour tout le monde et qui sans doute. Oui. Plusieurs vont trouver que c'est long, qu'il se passe rien. Là, des justement. Fois, c'est ça, il est immobile, il hésite en qu'est-ce qu'il va faire. Il hésite de savoir qu'est-ce qu'il va faire. Mettons, il a le linge de son fils dans les bras, puis il était en bas de l'escalier, puis il regarde en haut, puis ça prend une minute, peut-être 30 secondes, il sait pas trop quoi faire. Puis là, il retourne, puis il fait rien. Mais tu suis, tu le vis dans ta tête, qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Puis moi, je suis captivé par tout ça, même s'il fait rien à l'écran. T'sais. En même temps, c'est peut-être un préjugé que j'ai, Steven, mais les gens du Fantasia ne cherchent pas des trucs avec plus de rythme, justement. C'est peut-être ça que, en fait, OK, c'est pas ça partout ce que je viens chercher. Je sais pas, moi, quand je vais au Fantasia, c'est un festival tellement rendu varié maintenant. Je veux dire, t'as pas juste des films d'horreur, t'as autant des films gore festival à la Turbo Kid que t'as des films plus d'auteur lents, The Eyes of My Mother, par exemple. Puis, moi. Quand je vais au Fantasia, je m'attends juste à avoir de la variété puis à aller dans toutes sortes de zones. Fait que, tu sais, je sais pas, moi, un film comme Le problème d'infiltration, j'aurais vu ça au Fantasia. Moi aussi. Puis j'étais allé souvent pendant plusieurs années au Fantasia, puis j'ai envie de croire que le monde sont plus ouverts que ça. Parce que j'ai vu des films tellement variés puis tellement différents. Là. Le monde s'en sortit, là, tu sais. Fait que j'essaie juste de comprendre. Ah, moi aussi, j'essaie de comprendre, là. Et encore là, c'est peut-être des gens qui sont très pointilleux sur la définition d'horreur, puis en fait, il n'y a pas d'horreur là-dedans. T'sais. Ouais, c'est ça. C'est personne qui est enfant. Ça manque de hémoglobine. Pas de gore. Il n'y a pas de fantôme asiatique. Ça va des jumpscares. Il cherche des recoins, puis Christy, il n'y avait pas de fantôme, là. C'est ça. J'ai beau regarder dans les coins noirs, j'ai rien vu, là. C'est fou, hein, à un moment donné. Là, j'ai l'impression qu'on étire la sauce. Là. Je vais bientôt arrêter parce que j'ai l'impression qu'on va juste parler. Mais à un moment donné, tu suis le personnage. Puis, tu sais, comme on dit, t'es tellement centré sur lui que t'étouffes. Puis là, à un moment donné, on dirait que t'embarques dans sa genre de psychose. Puis là, il commence à chuchoter. Puis à toutes les fois qu'il se parle à lui-même, tu sais, j'essaie de comprendre ce qu'il dit. J'essaie de lever le son. C'est ça, moi aussi. Puis là, des fois, il arrête de parler. Puis il écoute. Puis là, t'écoutes avec lui. Puis je suis comme, fuck, je suis en train de devenir aussi fou que lui. J'essaie de comprendre ce qu'il dit, j'essaie de comprendre ce qu'il entend, mais je suis pas supposé entendre nécessairement. Mais des fois, je lève le son, puis j'étais comme, mais je veux pas trop le lever parce que mon fils, il dort, mon petit garçon, il dort, puis je veux pas le réveiller si, mettons, on fait un saut, la musique embarque, peu importe après, tu sais. Fait j'essaie de pas trop le lever, mais j'étais comme, qu'est-ce qu'il dit? À un moment donné, j'ai fini par comprendre que je suis pas supposé nécessairement entendre ce qu'il dit. T'sais. Des fois, oui, des fois, non, là, mais je sais pas, en tout cas. Une recommandation, d'après moi? Oui, oui. Ben, moi, je vais avec un achat. Un achat tout court. Si vous avez encore des Vidéotron dans votre entourage, comment? Allez-y, moi, il y avait 3 copies à 9,99. À ce prix-là, allez-y les yeux fermés. Là, ça vaut vraiment la peine. Là. Vicky? Non, je vais te laisser y aller en premier. Ben moi, je l'ai loué sur Vimeo. C'est à 6,99 sur la chaîne de K Film Amérique, K Trait d'Union Film Amérique. C'est ça, 6,99. Mais si vous le trouvez... Puis l'image est impeccable là, sous ma TV. Elle était super belle. Mais si vous le trouvez, mettons, si un jour il sort en Blu-ray ou peu importe, ça vaut ah, serait le fun. Ça serait vraiment... ça vaut... Visuellement, c'est super beau. Fait que ça vaut la peine de mettre le oh. prix dessus. Là. On va écrire avec eux à Criterion, tu sais, qui sont habitués de sortir des films d'un peu partout dans le monde. C'est comme sortez le problème d'infiltration, s'il vous plaît. OK. Ben, moi, vu que c'est probablement la seule fois qu'on va parler de Robert Morin sur le podcast Horreur des Gamers, je vous fais une liste. Fait que parce que celle-là, c'est un achat. Mais je vous fais une liste des films à voir de lui, OK? Fait que si, mettons, vous écoutez un problème d'infiltration, puis vous avez aimé La Maîtrise, vraiment une réalisation on the fucking point. Vous devez voir Le Neg, OK? Et vous devez voir Le Neg deux fois. Parce que la première fois, vous allez essayer de comprendre l'histoire, puis la deuxième fois, vous allez vous rendre compte de tout ce que vous n'avez pas remarqué la première fois. Puis ce film-là, il est divertissant, il n'est pas dans le même rythme du tout que Le Problème d'infiltration, mais moi, la première fois que je l'ai écouté, c'est la première fois de ma vie que j'ai écouté un making-of dans un DVD, c'était avec Le Neg. Parce que j'en avais pas eu assez parce que j'étais trop transportée dans l'histoire. Et là, en écoutant le making-of, je me suis rendu compte que j'étais passée à côté de plein de choses. Fait que je l'ai réécouté quasiment dans la même semaine. Fait que Le Neg, pour la maîtrise d'une histoire, d'une fiction maîtrisée, une fiction qui sait où ce qui s'en va ou qui a des rythmes incroyables, Le Neg. Si ce que vous avez aimé, c'est les personnages amour-haine, comme celui de Christian Bégin. Je l'avais dit hein, qu'on finirait jamais par nommer le nom du personnage, je penserais Christian Bégin tout le long. Alors, si c'est des personnages amour-haine, je vous suggère d'abord Papa part à la chasse au Lagopède. Peut-être qu'il est un peu plus dur à trouver, mais si vous mettez la main dessus, ce film-là parle d'un père qui s'en va parce qu'il a fraudé son entreprise et les gens dans son entreprise et il fuit avant de se faire pincer par le fisc. Et ça a été sorti quelque temps pendant le scandale de Vincent Lacroix, ici au Québec. Fait que c'est comme si Vincent Lacroix faisait un testament vidéo à ses filles pour lui dire « Ben oui, papa, c'est un trou de cul. Oui, papa a volé des gens. Oui, papa a volé les finances de vieilles personnes qui partaient à la retraite. Mais papa vous aime quand même. » Et le film n'est pas ultra dramatique. C'est François Papineau, pour ceux qui connaissent l'acteur, qui a une caméra dans son auto. Donc, c'est vraiment un témoignage. Et un autre personnage, amour-haine, Petit Pampan Noël, où Robert Morin joue son propre rôle. Et il a pris son père, qui est mourant dans le film. Et c'est l'histoire d'un fils qui s'en va régler les comptes avec son père à la veille de Noël dans un CHSLD. Fait qu'il torture un peu son père. Il est tout le temps sur la limite. Encore une fois, on est plus dans la limite de l'horreur, un peu comme Le Problème d'infiltration. Mais Petit Papa Noël, lui, il est très facile à trouver et il est dérangeant. Si vous avez été dérangé durant Le Problème d'infiltration, celui-là va vraiment vous mettre mal à l'aise parce que le fils n'arrête pas de dire comment son père l'a maltraité quand il était jeune. Mais là, son père, c'est un vieux monsieur de 90 ans qui ne parle plus, qui ne bouge plus. Et il le torture. Fait que... yeah, c'est dur. Et un film qui a moins bien vieilli, mais qui est excellent quand tu comprends sa portée, c'est Journal d'un coopérant, qui a été réalisé avant la grande montée des popularités de YouTube et des vlogs. Robert Morin a vu que maintenant, la caméra numérique n'était plus celle qu'on portait, mais celle qui était sur notre ordinateur. Il a décidé de se créer un vlog où il interprétait un coopérant qui s'en va en Afrique installer une radio. Donc, c'est lui, à tous les jours, qui fait un témoignage devant sa caméra d'ordinateur. Mais là, on parle de avant même YouTube, là, quand il a fait ça. Fait qu'il a vraiment eu de la vision en se disant « Crime, dans 5 ans, les gens vont tous parler à leur caméra. Moi, je le fais avant. » Donc, le film a moins bien vieilli parce que maintenant, on le retrouve peut-être sur le site Internet, mais surtout en DVD. Donc, c'est un peu désagréable, alors que c'est un film qui devrait vraiment se voir en scrollant un blog. C'est comme ça que le film a de l'impact. Parce que, tu sais, mettons, je me souviens plus du nom, mais mettons qu'il s'appelle Régent, il fait « Bon, ben salut, moi, c'est Régent. » Donc, il y a une intimité qui s'introduit plus que sur un DVD. Si vous êtes capable de remettre la main sur le site Internet, peut-être qu'il existe encore. Mais c'est vraiment un film à voir sur une plateforme web, en capsule, et non un film d'une heure et demie, mais Régent, je me souviens plus de son nom, là, mais son personnage de Robert Morin est pas du tout honnête. dans la raison pour laquelle il va en Afrique. Je vous dévoile pas de spoiler, mais de voir ça se produire devant nos yeux, puis être impuissant devant, derrière notre écran, c'est incroyable. Robert Morin l'avait dit, il ne pouvait pas faire ce film-là avec un acteur parce qu'il était tellement plongé dans la réalité du web de l'époque que les gens n'auraient pas fait la différence, puis peut-être que l'acteur qui aurait été interprété aurait pu être attaqué dans la rue. Tellement c'était cru ce qu'il a fait faire. Fait que c'est les films que je vous suggère. Intéressant. Il faut vraiment que je survole sa carrière. On va y aller en musique. Encore là, on n'a pas fait de choix nécessairement. Soit que ça va être une bitch, ou d'autres choses. On vous revient tout de suite après la chanson pour la conclusion. Tous les jours sont des jours gris. Je sais, tout est ma faute. Je sais aussi que tu t'as dit que je gâche tout dès que je sors. Avec tes yeux que je ne peux plus voir. Donc, en conclusion de notre épisode, on aurait les Patreons à qui il faudrait faire des shout-outs, mais je fais mal ma job, je connais pas vraiment les Patreons, ceux qui méritent des shout-outs. Fait que toutes les personnes qui ont donné, mettons, tous nos Patreons, là, on vous aime vraiment beaucoup, même si on sait pas vos noms. c'est Sébastien qui a la liste. Pas de jugement, pas de jugement. Puis c'est ça, tu sais. Avez-vous des choses à annoncer, mettons, pour la conclusion, des choses à dire? Moi, j'ai rien de spécial. Fait que... Moi, j'ai pas grand-chose. Je vais juste plugger vite mon autre projet Science de Minuit avec mes deux collègues Marc-Antoine Lambeauté et Jean-François Ouellette. On a sorti notre épisode sur Cloverfield. Je crois que le buzz est un petit peu disparu puis tout le monde a eu le temps d'écouter, mais si jamais vous ne l'avez pas écouté, allez-y. Et au courant des prochains jours, devrait sortir notre épisode spécial sur la saison 4 de Black Mirror en deux parties. Puis honnêtement, on est vraiment fiers du résultat. Fait que je vous le conseille fortement. C'est sûr qu'il est préférable d'avoir vu la saison parce qu'on y va dans les spoilers, parce que sinon, c'est difficile d'en débattre sans pouvoir. Fait que c'est ça. Puis juste avant que Vicky embarque dans son long... parce que je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire. Si vous êtes fan de ce qu'on faisait, moi puis Steven, le bras de fer des films, allez sur le site, c'est votre dernière chance. C'est dans les prochaines semaines, allez sur le site, puis allez downloader les épisodes que vous n'avez pas écoutés, parce qu'ils vont disparaître, j'ai pas les moyens de garder le site en vie, fait que c'est ça. J'espère que tu as gardé les épisodes. Bien sûr. Ah, ok. Je les mettrai peut-être sur archive.org, c'est ce que j'avais écrit un moment donné sur notre page Facebook. Ouais. Fait que, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait, mais allez chercher les épisodes, puis profitez-en, parce que ça va disparaître bientôt. C'est cela. C'est brasfairedesfilms.com. Vas-y, Vicky. moi, c'est en lien avec la question qu'on se pose souvent. Qu'est-ce que vous allez faire dans les prochains jours? Y a-t-il quelque chose qui s'en vient? Et ça serait quoi le prochain sujet? J'ai vu que Cinépop, le fameux Cinépop, je suis abonnée. Ça paraît-tu que je l'ai dans ma télé? Cinépop vient de sortir Ginger Snap, le film de Loup-Garou du Fée, que j'avais vu à sa sortie, que j'avais vraiment pas aimé parce que je pense que j'étais dans ma période rebelle. Hashtag trop cool. Fait que j'avais comme pas aimé le film, mais je veux le revoir depuis parce que je le sais que je l'avais critiqué négativement parce que justement, j'étais dans une période où rien était... Tu sais, l'adolescent qui aime rien, là. C'est drôle parce qu'en général, j'ai l'impression que ce film-là est bien accueilli. T'sais, moi, j'avais beaucoup aimé Steven. Il y a un follow culte, d'après moi. Mais je le sais, c'est pour ça que je veux le revoir parce que je le sais qu'il y a un culte. Mais moi, je pense vraiment que j'étais dans l'époque que tu m'impressionnes pas. Tu sais, j'y connais tout. Tu sais, quand t'as 16 ans et tu connais tout, là. C'est ce moment-là, ben j'étais direct dedans. Fait que je veux le revoir. Donc là, je me dis, tu sais, vu que j'ai déjà imposé un épisode sur les films québécois, je pourrais pas imposer un deuxième épisode. Mais mettons que c'est pas mal sûr que j'écoute Ginger Snap dans les prochains jours. Mettons, est-ce que j'ai le droit de réimposer, mettons, un épisode genre Shameless de Vicky ou... Vous avez une idée de sujet qu'on pourrait faire avec Shameless? J'y pensais récemment, je me disais peut-être qu'on pourrait continuer encore sur les Shameless. On pourrait peut-être recommencer une tournée de Shameless, là, ça pourrait être le fun. L'avez-vous déjà fait? Non. Okay. Ginger Snap, non. Non. Mais je pense que le prochain épisode est pas mal déjà bouclé. Sébastien avait demandé, j'avais répondu, mais il manquait vos réponses à vous. Fait que c'était de savoir si ça vous intéressait. Oui, j'avais liké. Ok, j'avais liké. Fait qu'on considérait que le like était le oui. Mais c'est pas obligé d'être là. Tu sais, je peux prendre des notes, là, puis m'en souvenir, tu sais. Ah, oh, ben oui. Prochainement, c'est sûr qu'on pourrait facilement refaire Ginger Snap, là. C'est drôle, c'est quand même des films canadiens, puis encore là, c'est des films bien meilleurs que Le Poil de la Bête. Fait que, allez écouter la trilogie Ginger Snap. Mais ta réaction me fait... Ah, c'est parce que... Je m'excuse, ta réaction, Vicky, par rapport au film, me fait demander, est-ce que ce film-là est devenu un favori des fans d'horreur, peut-être, je sais pas, là, je pose la question, est-ce que c'est devenu un film favori des fans masculins, parce que ça nous ouvrait une fenêtre, mettons, sur la psychologie féminine, un peu, sur c'est un coming of age de jeune fille qui a ses premières menstruations, qui vit les premiers émois de l'adolescence et tout ça, tu sais. Toi, tu dis que tu t'en foutais un peu de ce film-là, parce que toi, t'avais déjà passé à travers un peu ces affaires-là d'une certaine manière, tu sais, comme la plupart des filles, comme toutes les filles. Puis, tu dis, est-ce que c'est ça, tu sais, nous autres, ça nous ouvre une fenêtre là-dessus, quelque chose qu'on connaît pas, fait que ça, on fait, waouh, c'est dommage profond comme film, puis tout, dommage génial. Puis, J'ai pas le feeling à l'époque que c'était pratiquement que des gars, là. Je trouvais que c'était autant les filles que les hommes qui semblaient avoir trouvé ça. Ok, bon, ben, go, d'abord, on a tellement un sujet, là, Fait que là, on va faire le truc à Seb, là. On a ça, là. Ouais, on tient quelque chose. Mais c'est parce que là, je m'étais dit, on a déjà imposé Le Poil de la Bête, qui fut une réussite en tout point au niveau du film de loup-garou. Est-ce qu'on veut continuer dans le film de loup-garou? C'est pas le même niveau. Ça me doit décourager. Ouais, c'est pas le même niveau, c'est ça. Je sais que t'as pas aimé ça, mais c'est pas le même niveau. Ben non, c'est ça. Non, mais je savais que sûrement vous aviez aimé. Si tu proposais Le Loup-garou de Paris, je dirais non, c'est assez. Non, c'est clair. Ok. Je laisse ça en plan, mais je tiens pas mordicus, mais je sais que je vais l'écouter dans les prochains jours. Fait que ce qui s'en vient pour Vicky, c'est ça. Fait que, tu sais, on pourrait faire quelque chose. Oui. Moi, je lance dans l'univers, puis à Sébastien, que faire des shamelists, ça pourrait être le fun encore. Là. J'en ai un million de films que j'ai pas vus. Que... Ouais, comme tout le monde. Oublie ça, on a tout le temps des films. Ben oui, mais tu sais, justement, si Steven, tu dis que t'as des films dans des piles, ça ferait le temps. Moi, je suis d'accord avec ce film-là. De faire des shameless. Moi, je suis bien d'accord. Une autre tournée de shameless, là. Puis je pense que les gens qui nous écoutent aiment bien ça, là. Fait que... Ouais. Mm-hmm. Mon problème, c'est que je me souviens pas ce qui est shameless. me souviens pas de ce que j'ai pas vu. Ah, ben là, ça, c'est à toi de faire tes devoirs. Là. Ben, c'est ça. Je cherche des sites de, avec des listes de classiques d'horreur. Là, puis... Faudrait. J'ai là-dedans. Mais en tout cas, fait que, je vous laisse là-dessus. Ouais, ben, c'est ça. Parce qu'on a terminé, dans le fond. J'ai rien d'autre à annoncer. Fait qu'on vous revient dans quelques semaines. Moi puis Sébastien, quand on va vous reparler, moi puis Sébastien, on va être un petit peu plus vieux. Parce qu'on est des frères d'anniversaire. On est deux poissons du 24 février. Fait que d'ici une couple de semaines, on va être plus vieux. Fait que d'ici là, ben merci beaucoup de nous avoir écoutés. Puis continuez de nous suivre sur la page Facebook. Puis d'interagir. C'est vraiment trippant que vous soyez là. Ah, c'est vrai! Je voulais lire les commentaires des gens. Donnez-moi deux secondes, puis je vais trouver les commentaires. Je vais les lire au micro. Par rapport au film de ce soir. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'on a eu des bons commentaires. On en a parlé quand même, mais vaguement. Mais c'est vrai que ce serait intéressant, vu que les gens ont pris la peine de les écrire. J'avais justement écrit qu'on allait les lire. Ce que j'oublie tout le temps de faire quand je l'écris. Le pire, c'est ça. Moi, je l'ai pas mon téléphone ouvert à soir, mais... Marc-Antoine, La Bonté nous écrit... Un film de loup-garou québécois qui embrasse notre folklore national. Ça avait tellement de potentiel. Dommage que ce soit pourri de même. On se console avec le Ginger Snaps 3 de nos voisins ontariens. Le problème d'infiltration, par contre, c'est excellent. L'automne 2017 m'a vraiment redonné espoir en un cinéma de genre québécois francophone de qualité. Après des décennies de navets, on en avait besoin. Ensuite, on a Karine Fortin qui a parti le débat, justement, qui dit « Le problème d'infiltration, un film d'horreur. » J'aimerais bien savoir sur quoi vous vous basez pour dire ça. Puis là, ben, ça partit un débat avec Steven, un petit débat gentil, là, sympathique. Elle insistait que c'était un drame psychologique, puis toi, tu disais que c'était. Ça avait des ça empruntait des codes de l'horreur. Ben, c'est ça, je la contredisais pas non plus. Elle avait raison que c'était un drame psychologique, mais je trouvais que l'horreur pouvait aussi se mélanger à tout ça. C'est ça. Ben, de toute façon, on en a parlé en masse. Là. Puis à la toute fin de la conversation, il y a Jonathan Perron qui dit. Excellent film, même si quand je vais acheter le Blu-ray, s'il sort évidemment, je ne vais pas le ranger dans ma section horreur. C'est un drame psychologique. Mais oui, en effet, c'est proche de l'horreur en tous les cas. En tous les cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Hey, c'est qui ça? Jonathan Perron. Hey, félicitations, Jonathan, de ne pas avoir une section film québécois dans ta bibliothèque. Ah, puis tantôt, quand tu as dit ça, Vicky, ça me fait penser. T'sais, c'est un peu la même chose aussi des. Je sais pas qui aurait ça, mais tu sais, une section film réalisé par des femmes. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, non, mais c'est très vrai. J'écoute Jeopardy à toutes les soirs de la semaine avec ma blonde. On écoute après souper, c'est tout le temps Jeopardy. Puis il y a souvent une catégorie genre women authors, des femmes auteurs. T'sais, les hommes auteurs, non, mais c'est juste auteur tout court. Mais les femmes auteurs, faut les dire. T'sais. Puis étrangement, en littérature, c'est pas tant ça parce que t'as roman québécois, certes, mais après ça, tu t'as roman. Le roman, c'est un roman, mais. Un livre d'histoire écrit par un Québécois est mélangé avec les autres livres d'histoire parce que c'est par sujet. Oui. Mais en cinéma, le film québécois, tu vas dans un genre chambon, là, c'est écrit film québécois, puis après ça, c'est trié en ordre alphabétique. Oui. Point final. Pas par genre, incroyable. Par alphabet. Oui. C'est incroyable, c'est incroyable. Le film québécois est un genre. Oui. Il y a Simon Primo-Beauchamp qui écrit... J'aimerais avoir jamais entendu parler du poil de la bête, et surtout jamais l'avoir vu. Ça aurait pu être un bon film qui exploite le folklore local, mais au lieu, on a un film de série B qui ne réussit même pas à avoir le cachet qui peut rendre les films de série B incontournables. Je dois avoir involontairement effacé mes souvenirs du film, mais ce que j'ai retenu, c'est un jeu d'acteurs exagéré, des personnages détestables, une histoire plate, les décors, c'est très ordinaire. Pour montrer qu'on n'a pas de budget, on est souvent en plan serré et les personnages disparaissent hors champ. Les effets spéciaux sont nuls. C'est dommage que c'est le genre de film qui va faire perdre l'intérêt de financer des films d'horreur québécois. Une chance qu'on a eu les affamés. Mm. Dominique Paulus, ancien critique de horreur web et du dernier podcast sur la gauche, écrit « Le poil de la bête. Ah, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha, ha. » Puis là, il y a Seb... qui répond « Ris pas trop fort, sinon Guillaume le Métivier va donner un dropkick dans la nuque. » Puis ça se termine de même. C'est merveilleux. Hey, puis je finis quand même en ressoulignant Feuilles mortes. Puis le film est disponible sur iTunes et chaque fois que vous louez ou achetez le film sur iTunes, ça va directement dans les poches de la production. Oh, cool. Fait que mon 4,99$ pour le poil de la bête, elle est direct dans la poche de la production du poil de la bête. Je le sais pas. Mais lui, vu qu'il n'y a pas de distributeur, ça va pas dans les poches de A1 ou CV ou quoi que ce soit. Ça va vraiment dans les poches du monde qui ont réalisé le film puis produit le film. Donc, Feuille morte, qui est un excellent film. Moi, j'ai adoré. J'ai payé le prochain repas de Guillaume Métivierge, peut-être. Là. À la cantine de Radio-Canada. Qui crève? Non, c'est pas vrai. Ah! Okay, c'est qui intense, crève de faim? Non, c'est pas vrai. Sur ces belles paroles, laissons-nous, partons et disons-nous bonsoir et à la prochaine. Et d'ici au prochain épisode, tout le monde, gardez ça horreur. Bye bye.